saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 juin. Ah, et je parle sur un jingle pour commencer l'émission. En plus, c'est moi qui le mets celui-là. Bonjour à vous, j'espère que tout va bien. Eh ben ça y est, c'est parti, l'Euro a débuté hier soir avec une grande teuf à Paris. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont maté l'émission. Nous, on est là en mode diable ce matin. On va vous en parler dans quelques instants puisque le studio a été entièrement décoré aux couleurs de la Belgique. On va en parler ce matin, évidemment, de cet Euro qui débute ce soir avec le match de l'équipe de France. Et on reparlera des pronostics, les vôtres, que vous pouvez d'ores et déjà envoyer par SMS au 3044. Allez, à gagner aujourd'hui votre hoverboard de chez Urban Wheels. On en a offert toute la semaine et encore ce matin entre 6h et 9h. Vous allez pouvoir en gagner un d'ici la fin de l'émission. Nous sommes vendredi, bonjour et bon réveil sur Fun Radio. Il est 6h. Fun Radio. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Bon vendredi à tous sur Fun Radio, il est 6h01, les infos et la météo, c'est avec Jean-François, salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Après les gardiens de prison et les cheminots, ce sont les éboueurs qui font grève en Wallonie. Plusieurs intercommunales sont touchées. Le mouvement a commencé à Mons avant de se répandre dans plusieurs régions de Wallonie. Le ramassage des poubelles est très perturbé dans l'Hainaut occidental, la région de Mons-Borinage et la région du centre. L'intercommunale IGA ne collecte plus les poubelles depuis 10 jours. À Charleroi, les éboueurs estiment que faire la grève n'est pas la solution. Ils préfèrent mener une opération escargot. L'action sera menée aujourd'hui après-midi, après le ramassage des ordures dans le centre de Charleroi. Il faut attendre ce matin avec la tenue des assemblées générales chez les syndicats pour savoir si l'action se poursuivra ou non. La réunion du comité de coordination avec les directions de la SNCB et les différents secteurs du rail s'est terminée sans pouvoir aboutir à un accord. Une nouvelle réunion du comité de coordination est prévue aujourd'hui à 14h. Dès 10h, la CGSP cheminots se réunira et pourrait donc décider de partir en grève à partir de ce dimanche 12 juin à 22h jusqu'au dimanche 19 juin à la même heure. Et puis dans les prisons, la grève continue, même si dans certaines prisons comme à Nivelles, certains gardiens ont décidé de reprendre le travail. De grève, il en sera aussi question dans le secteur public dans les prochains jours. La CGSP liégeoise a décidé hier les actions à mener lundi prochain en province de Liège, lors de la grève tournante décidée par l'interrégionale et la CGSP lundi dernier. En début de semaine, l'interrégionale avait lancé un appel à l'action et à la grève dans tous les secteurs publics en décrétant une grève tournante par province. Après la province de Liège, le 13 juin, la grève tournante s'installera successivement en province de Luxembourg le 14, en province de Namur et du Brabant Wallon le 15 et en province du Hainaut le 20 juin. Tout le secteur public sera touché par ce mouvement. Le président des États-Unis, Barack Obama, a annoncé hier qu'il soutenait Hillary Clinton dans la course à la Maison Blanche. Je suis avec elle, a lancé l'actuel président des États-Unis dans un message vidéo diffusé peu après sa rencontre avec l'autre candidat démocrate, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui a refusé à ce jour de se retirer de la course. Et puis bienvenue en France, tel sera le thème de la cérémonie d'ouverture de l'Euro, qui aura pour guest star l'auteur de la chanson officielle David Guetta, dans une ambiance festive, loin du contexte tendu qui oscille entre les mouvements sociaux et les inquiétudes sécuritaires. Après son concert sous la Tour Eiffel hier soir, la superstar David Guetta présentera au Stade de France l'hymne de l'Euro, This is one for you. Il sera accompagné de la chanteuse suédoise Zara Larsson lors d'une cérémonie qui impliquera ce soir plus de 600 personnes et qui ne devrait pas durer plus d'un gros quart d'heure. C'est ensuite le match entre la France et la Roumanie qui lancera les hostilités. Fun Radio. Maintenant dans les stations Q est avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Q8. À suivre Maître Gims pour le son Dance Floor sur Fun Radio et la météo de ce vendredi. Jean-François, qu'est-ce que ça donne? La journée sera marquée par un temps sec, d'abord ensoleillé, puis de plus en plus nuageux. Le thermomètre affichera 18 degrés au littoral et de 20 à 22 degrés ailleurs. Et puis demain, les nuages envahiront le ciel et un risque de pluie n'est pas à exclure. Et puis de dimanche à la fin de la semaine prochaine, le temps restera très variable. Prochain rendez-vous d'info à 6h30. Tout de suite, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio, du son Dance Floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. Et ton fils, bless, m'as-tu dit, Ribéry, Benzema, oh, Pogba, boom, what I know. Elle a jeté son cœur en fleuve. À part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle a dansé dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde, tu comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco Benz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment de ralentir, tu t'effrites peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le 6-5. Tu tiens la mort. Comment ça t'est trop, ça colle ça, tiens, tu tiens la mort. Allez, bagadis, on a zou, zou, branche pas la mère. Bugatti, eh, Bugatti, Bugatti, eh, Bugatti, Bugatti. Ah, Porsche, Panamé, Panamé, Panamé, Porsche, Panamé, Panamé, Berlin, Berlin, Berlin, ma Berlin, Berlin, Berlin, ma Berlinetta, Berlin, Berlinetta, Berlin, ma Berlinetta, Berlin, ma Berlinetta, veneno, veneno, veneno, veneno, veneno, Ça va être sur Fun Radio, nous sommes vendredi le 10 juin aujourd'hui, ça y est, c'est le début officiel de l'Euro, on est là pour chanter le générique de l'émission, c'est parti, let's go. Emma, elle est la tribu, c'est que je ferai à toi, je suis ton seul à chanter, ma bande est escroire. Oh, elle est la tribu, c'est sur Fun Radio, enfin, et ça fait trop du bien, avant le coup, Emma, elle est la tribu, c'est sur Fun Radio. Et je crois qu'on a volé mon pouet. On m'a volé mon pouet. C'est quelle partie de ton corps ça? Ah, ça y est, non, il est là. Ah. Alors, c'est sur... voilà, il n'y a pas de musique aujourd'hui, c'était bizarre ce début d'intervention. Bonjour à vous les doudous, j'espère que ça va bien. Nous sommes vendredi le 10 juin aujourd'hui. Je salue Justine qui est là. Bonjour Gégé. Hello. Bonjour Sœur Khalid du Jambon. Hello. Bonjour Jean-François Labété, on l'info trafic. Et aujourd'hui tout en couleur, on dira pourquoi dans un instant. Bonjour Jeff. Bonjour Evan. Bonjour Sandro le petit hey. Aria. Bonjour à vous qui êtes là derrière votre poste de radio, peut-être sous votre douche, dans votre voiture, tranquillement déjà au boulot pour certains. On fera un point sur les températures qu'il fait chez vous tout à l'heure. Également qu'il fait dans vous. Oui, prenez votre température ce matin, ça me ferait plaisir. Un petit 37,2, un 37,3, un petit 38. Hein, vous mettez le petit thermomètre là où ça va bien et vous nous donnez la température SMS 30-40. Alors nous, la température dans le studio, elle est brûlante. On va peut-être terminer totalement tout nu aujourd'hui. Puisque Jean-François, il faut que tu nous expliques que quand on est arrivé, tu nous as réservé une surprise avec, avec un de tes amis. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà couché ensemble ou pas. Mais le ça, studio ça pourrait se faire. Hein, bon, d'ici la fin de l'émission. Ouais, voilà. Le studio est aux couleurs des diables ce matin. Voilà, on va prendre des photos, le mettre sur le Snapchat de l'émission. Qu'est-ce que tu as fait donc ce matin pour nous faire la petite surprise? Parce que quand on est arrivé, on n'était pas au courant. Et donc j'ai mon ami Michel qui pendant l'Euro va vendre des petits gadgets pour les supporters à différents endroits. Et puis je lui dis tiens viens à l'émission, tu vas voir, tu vas rencontrer l'équipe. Et puis il est venu avec plein de drapeaux, des colliers, des perruques et tout. Donc il nous a décoré entièrement le studio ce matin aux couleurs de la Belgique. Puisqu'évidemment c'est l'Euro, on aime bien nos amis italiens, espagnols et tout le reste. Mais on va être à fond derrière le diable. Exactement, est-ce que tu lui as dit à Michel avant qu'il arrive dans le studio, tu vas voir ce sont que des connards? Non, mais il va pas tarder à s'en rendre compte. Alors, on a des colliers de fleurs, on a des perruques. Des drapeaux. On a des drapeaux, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, des écharpes. Qu'est-ce qu'il y a? Les perruques, elles sont magiques parce qu'on dirait des foufounes géantes en fait. C'est vrai. Alors, je sais pas ce que t'as rencontré comme foufoune dans ta vie. Mais, on dirait la foufoune de Yolande. Yolande, notre standardiste, c'est vrai que c'est la perruque et elle est un petit peu comme ses cheveux. Ouais. C'est exactement totalement la même chose. Est-ce que vous avez regardé hier soir la cérémonie d'ouverture sur TF1? Oui. Un petit peu. Tout le monde? Non, un petit peu, oui. Ouais. Comment vous avez trouvé? Faux. C'était bizarre, oui. Ouais. Il chantait faux. Alors, il y a le côté chantait faux. Moi, j'ai trouvé que le public était calme dans la fosse. Et puis le nombre de blancs qu'il y a eu sur TF1, le nombre de bugs au niveau de la vidéo, bah, j'ai trouvé que c'était un peu raté. Voilà. Ouais, c'est ça, c'était pas... Petite question, c'était pour quelle cérémonie hier? C'est l'Euro. On aurait dit quand même la fête de la musique, hein. Je sais pas pour vous. Ah, oui, je suis d'accord. Avec Louane, il y avait Florent Pagny, puis avec Christophe Maé, enfin, c'est un peu bizarre. Bah, je pense que tous les artistes étaient présents pour fêter l'Euro, mais c'est surtout qu'il semblait, et c'est rare pour TF1, qu'il y avait quand même des ratés au niveau de la réalisation, au niveau des images. Il y avait parfois des blancs, il se passait plus rien. Et puis Alexandra Subé, j'ai pas trouvé extraordinaire. Ah, moi je l'aimais bien. J'aurais préféré Nikos. C'était une première pour elle et je l'aimais bien là. Bah Nikos était Nikos là un petit peu avec elle. Ah, j'ai pas vu. Bah si, ils ont animé un peu ensemble. Ah, une fois je l'ai vu moi. Je voulais m'excuser pour les blancs, j'ai été faire la réa hier soir. Voilà, je suis désolé. C'était Sandro qui était à la réalisation de l'émission, je comprends mieux maintenant. Allez, Benny Benassi pour la suite du son Dance Floor, c'est ce qui va arriver dans moins de 15 minutes. Il y aura du Ellie Goulding sur Fun Radio. Benny Benassi, c'est cet extrait. Putain, on a un nouveau système informatique, j'y comprends plus rien là. Tu y arrives toi Sandro? Ça va, ça va. Ça veut dire non. Oh mon dieu. Nous fêtons qui aujourd'hui Justine? On fête les Diana aujourd'hui. Bonne fête à vous. Ah, on avait une Diana qui travaillait avec nous oui. Chez Audrey. Elle va bientôt avoir un bébé, tu le savais. Ah ouais, ouais. Elle aurait pu me dire que j'allais être papa. Elle me dit rien, sans déconner. Donc, on a ça, les fans. Qu'est-ce qu'on va offrir aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, comme tous les jours, on vous offre un super hoverboard. Arrêtez de vous battre, c'est déstabilisant. On se lance des perruques, on se lance des foufous dans la tête. Bon, du coup, on n'a pas compris ce que t'as dit. Eh ben, comme tous les jours, on vous offre un hoverboard et on vous dira comment le remporter tout à l'heure, plus tard, pendant l'émission. Exactement, un hoverboard de chez Urban Wheels, voilà ce qu'il y a à gagner. Dans quelques instants, ce sera l'horoscope de l'amour et de l'amitié. Ce sera aux alentours de 6h20. Il faisait 13 degrés ce matin en Anderlecht. Et vous, quelle température il fait chez vous en ce moment? Regardez la température dans votre voiture ou bien sur votre balcon et surtout le temps qu'il fait. On a envie de vous lire. SMS 3044. Voici Armin Van Buren. Nobody here knocking at my door. The sound of silence, I can't take it. Nous sommes aux couleurs des diables ce matin sur Fun Radio. Le studio est vraiment maquillé aux couleurs des diables. Même nous, on peut se maquiller parce qu'on a des comment ça s'appelle, les petits sticks là qui te mettent des drapeaux. Des sticks. Des rouges à lèvres. Je veux dire, c'est des drapeaux à lèvres. Non, c'est des drapeaux à visage. Voilà. Des drapeaux à visage ce matin. Il paraît que c'est super dur à enlever, non? Ouais, bah oui, parce que j'en ai mis la semaine passée pour un match et j'ai vraiment galéré à l'enlever. En fait, quand tu frottes, c'est tout noir. Imagine ce point, t'as son TFA, défend son TFA sur le visage. C'est génial. Elle a mis 4 jours à l'enlever, c'est un truc de ouf ça. Il y a des messages qui viennent d'arriver. Je vous ai demandé quelle température il fait chez vous. Je vais déjà vous lire. Salut la tribu, il fait 11 degrés sur la Louvière ce matin. Merci de m'accompagner sur ma tournée de domicile tous les matins. Bisous à toi, c'est pas signé. Signez vos messages, hein, comme ça, je vais balancer vos prénoms. Et il y a Sophie qui nous dit 10 degrés à Waterloo. Direction la RTBF pour bosser. Je vous écoute et je vous fais de gros bisous, les minous. Merci Sophie, gros bisous à toi. Il y a Claire qui me dit 9 degrés du côté de Saint-Pietersleu. Le ciel est bleu, vous me faites marrer. Trop beau, gros bisous à toi, ma Claire. Dans un instant, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. On va voir chaque jour ce que ça donne au niveau de vos signes, ce qui vous réserve aujourd'hui, hein, les astres. Je voudrais parler d'un petit truc. Est-ce que vous avez déjà eu au téléphone des gens qui vous appellent pour des enquêtes de satisfaction? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'ai reçu un coup de fil il y a deux jours. De qui, toi, c'était qui? C'était Cofidis. Cofidis, ouais. Hein, ok. Ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé avec un opérateur de téléphonie, notamment. Ouais, c'est vrai qu'elle avait un accent pakistanais là-bas. Hein. C'est vrai que souvent, ça déplace. Ouais, c'est un 09 avec 18 chiffres à la suite. J'ai eu la plateforme de satisfaction hier au téléphone la plus débile du monde. Et je vous explique pourquoi. Moi, je suis abonné chez SFR. SFR, oui. Ça me permet en fait d'avoir un forfait illimité sur la France et la Belgique, puisque je suis toujours en déplacement sur ces deux pays-là. Et hier, la dame, elle m'appelle, donc je décroche, elle me dit « Bonjour, enquête de satisfaction SFR, est-ce que tout se passe bien pour vous ?» Et là, je lui dis « Écoutez, pour moi, ça va, mais ma femme, franchement, elle n'est pas contente de vos services, et je commence à dire pourquoi. » Et là, c'était extraordinaire, parce que la dame, il y a eu un blanc, elle fait « D'accord !» Bah, bonne journée, monsieur. Merci. Ah, ça marche. C'est génial, ça. Enfin. Mais là, je te jure. Je lui ai décrit pourquoi on n'était pas content. Et en fait, plutôt d'essayer de trouver une solution au problème, et elle a fait bonne journée, monsieur. Merci. C'est-à-dire que je pense qu'elle s'est retrouvée comme une conne face à son écran d'ordinateur en disant ok, lui, j'aurais pas de solution pour lui, donc je vais passer à autre chose. Bon. Ou alors, c'est une arnaque. Je sais pas. Pourquoi faire le fait qu'il m'ait demandé avant de lui faire un virement de 200 euros, tu vois. Ou alors t'as été très méchant avec elle. Non, j'étais souriant, agréable, je l'ai chauffé un petit peu comme à mon habitude. Tu as fait des avances comme d'hab aussi. Exactement. J'ai vu des anecdotes comme ça par rapport à des enquêtes de satisfaction quand on vous a appelé. N'hésitez pas à nous en parler ce matin, SMS 3044. Je sais pas quel était son prénom, je l'ai pas reconnu, mais enfin franchement, elle a dû se rappeler de ce coup de fil hier. Dans un instant, l'horoscope de l'amour et de l'amitié sur Fun Radio. Et puis il y aura l'overboard de chez Urban Wheel qui sera à gagner d'ici 9h. Le dernier mise en jeu aujourd'hui, en ce vendredi 10 juin, le premier jour de l'Euro. On va faire des pronostics tout à l'heure tous ensemble pour savoir, à votre avis, qui sera dans les 3 premiers de ce championnat. It's a strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. Playing with Dans deux minutes, on aura l'horoscope, l'horoscope du jour sur Fun Radio, le son de Benny Benassi également qui va arriver dans quelques instants. Je parlais tout à l'heure d'une anecdote, d'une enquête de satisfaction, là, une nana qui m'a appelé hier. Et vous avez déjà réagi sur le Facebook de l'émission pour raconter aussi vous, vos anecdotes, Khalid. Oui, c'est Fabrizio qui m'explique qu'il a une dame des enquêtes de satisfaction, apparemment avec un accent asiatique. Et donc lui, pour se foutre d'elle, lui pose la question de savoir si il me venait à décéder, qui paierait la voiture et tous les frais qui en incombent. Il a dit, ben, c'est simple. J'ai répondu que mes filles me ressusciteraient grâce aux boules de cristal de Dragon Ball Z. Et comment elle a réagi la femme après? Elle a raccroché? Elle a dit au revoir, elle lui a raccroché. Apparemment, c'est ce qui m'explique, c'est super drôle. Mais c'est vrai que c'est marrant fou. Parce que tous ces gens qui vous appellent sont souvent des gens qui sont loin dans des pays où ils parlent, maîtrisent pas bien le français. Ils sous-traitent, hein. Et donc, dans ces cas-là, ils comprennent pas trop les questions que tu leur poses. Pauvre. Vos témoignages sur les loos que vous avez eu sur les enquêtes de satisfaction, SMS 3044. Dans un instant, sur Fun Radio, il y aura le son de Benny Benassi avec Chris Brown. On commence, Justine, avec les béliers. Vous ne manquerez pas de répartie et vous saurez avoir le dernier mot. Taureau. Surtout, ne changez rien par rapport à hier et continuez à avancer dans la même direction. Gémeaux. Vous serez sûrement déçu en amour, essayez de vous changer les idées entre amis. Les cancers. Un peu de motivation, le week-end est là, mais il ne faut rien lâcher. Lion. Vous pouvez avancer dans votre relation en toute confiance. Vierge. Et c'est encore une journée hyper positive pour vous. Balance. Vous aurez plusieurs choses à fêter ce soir, alors profitez à fond. Oui, j'imagine. Scorpion. Ne vous laissez pas aller dans vos délires, restez dans le concret. Les Sagittaires. Aujourd'hui, il vous faudra agir seul, quoi qu'il arrive. Capricorne. Soyez plus doux et attentionné avec votre moitié. Verseau. Profitez de cette journée pour mettre les points sur les i avec tout le monde. Et les Poissons pour terminer. N'essayez pas de plaire à tout le monde, restez à vous-même avant tout. Restez à vous-même. À vous-même. Restez à vous-même avant tout. 10h24 sur Radio Vodka. Bienvenue dans un instant, Benny Benassi. L'Héroscope. Le week-end, tous les DJ sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin. Avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumet Toscan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son d'Esco. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'espagnol. Deux cocktails. Dos cocteles. Et pour moi, le homard. Et para mí la langosta. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian Cybercafé. Là, c'est Brian Fast Food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là, ah ben on voit encore Brian Fast Food. Avec Orange, là, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Ce soir à 21h45 sur Plug RTL, The Walking Dead, saison 2. Glory Grimes, c'est Rick qui m'envoie, suivez-moi. Quoi? Carl a reçu une balle dans la poitrine, il est en danger. La série événement continue. École. Vous avez établi un centre médical d'urgence là-bas. Vous devriez voir ce dont j'ai besoin. La zone était infestée la dernière fois que j'y ai mis les pieds. The Walking Dead, saison 2, ce soir à 21h45. Plug RTL. The best radio. My station. Fun Radio. There is something on my mind. Something that you should know. There is pain in my soul. That you may not be before you leave. There is you and me. Fighting against the world. There is you and me. I miss your love and I want you more. Oh, maman. Dis-moi que ce n'est pas un jeu. Je veux savoir que le temps nous réunira. Je veux y croire, je veux savoir. force d'écouter Evan et la tribu, le matin, il a la gueule de bois et un truc tout dur qui grandit. Et ouais, même Pinocchio écoute le matin Evan et la tribu. 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. De vous réveiller avec Fun Radio comme Jean-Luc qui est du côté de Herve, bonjour Liégeoise qui sont peut-être encore en nuisette ce matin pendant qu'on est en train de faire l'émission. Le studio est en mode diable ce matin, quoi, parce que j'ai dit ça, cette jeune. Bah ouais, mais je trouve qu'il y a que dans les films que les filles elles sont en nuisette. Non, il y a à Liège aussi. Ah bon, d'accord. Toutes bon. Les Liégeoises que je connais sont en nuisette le matin, tranquille. Tous tes films sont tournés à Liège en fait. Ouais. Exactement, moi c'est du 100% Liégeois. Dans un instant, on va lire tous vos messages sur le Snapchat de l'émission, sur le Facebook et également par SMS au 3044. Balancez déjà vos pronostics pour les prochains matchs qui vont arriver. L'Euro commence officiellement aujourd'hui sur Fun Radio. Ça c'est les Global DJs avec Work, c'est ce qui va débarquer dans un instant. Bonjour à vous les doudous. On jouera aux 5 secondes chrono juste avant 7h pour vous offrir votre boîte de jeu avec nos copains de chez Méga Bleu. Et bienvenue à tous et bon réveil sur Fun Radio. Il est 6h31, les infos, la météo, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Après les gardiens de prison et les cheminots, ce sont les éboueurs qui font grève en Wallonie. Plusieurs intercommunales sont touchées. Le mouvement a commencé à Mons avant de se répandre dans plusieurs régions de Wallonie. Le ramassage des poubelles est très perturbé dans le Hainaut occidental, la région de Mons-Borinage et la région du centre. L'intercommunale IGA ne collecte plus les poubelles depuis 10 jours à Charleroi. Les éboueurs estiment que faire grève n'est pas la solution. Ils préfèrent mener une opération escargot. L'action sera menée aujourd'hui après-midi, après le ramassage des ordures dans le centre de Charleroi. Il faudra attendre ce matin avec la tenue des assemblées générales chez les syndicats pour savoir si l'action se poursuivra ou pas. De nouveaux mouvements de grève sont aussi à craindre sur les rails dans les prochains jours. On devrait en savoir plus dans le courant de la journée, mais une nouvelle grève pourrait débuter à partir de ce dimanche 12 juin à 22h jusqu'au dimanche 19 juin à la même heure. Et puis dans les prisons, la grève continue, même si dans certaines prisons comme à Nivelles, certains gardiens ont décidé de reprendre progressivement le travail. Bienvenue en France, tel sera le thème ce soir de la cérémonie d'ouverture de l'Euro, qui aura pour guest star l'auteur de la chanson officielle, David Guetta, dans une ambiance festive, loin du contexte tendu qui oscille entre les mouvements sociaux et les inquiétudes sécuritaires. Après son concert sous la Tour Eiffel, la superstar David Guetta présentera au Stade de France l'hymne de l'Euro, This is one for you. Il sera accompagné pour cela de la chanteuse suédoise Zara Larsson lors d'une cérémonie qui impliquera plus de 600 personnes et qui ne devrait pas durer plus d'un gros quart d'heure. C'est ensuite le match entre la France et la Roumanie qui lancera les hostilités. Et puis chez nous, on se prépare un peu partout à vivre l'Euro intensément. Montigny-le-Tilleul, non loin de Charleroi, le Soccer Village ouvrira ses portes ce soir avec un concept innovant et l'occasion de vivre tout l'Euro en famille. Un écran géant haute définition sera installé en extérieur et un autre en intérieur pendant tout l'Euro. On écoute Jean-Marc Van Bever, l'un des organisateurs de cet événement. Le Soccer Village, on a voulu un genre de fan zone comme il va se passer à l'Euro 2016 en France. Donc on va avoir la même chose que dans les villes françaises. On va diffuser tous les matchs entre le 10 juin et le 10 juillet. C'est le seul endroit où tous les matchs de l'Euro vont être diffusés sur deux écrans, un écran intérieur qui nous garantit d'être à l'abri si éventuellement le climat n'est pas serein avec nous. Et nous aurons également un écran géant extérieur pour les beaux jours. L'inauguration a lieu ce soir avec une soirée caritative pour vous rendre au Soccer Village. L'itinéraire est fléché depuis la sortie Montigny-le-Tilleul sur la R3. Toutes les infos sur cette manifestation se trouvent sur la page Facebook France 2016. Il m'a fait marrer, lui, en parlant du temps, en disant on a un écran intérieur, un écran extérieur. Ce qui pleut rarement en Belgique chez nous. Hein, non, mais c'est vu l'infrastructure, c'est impressionnant. D'ailleurs, on est partenaire de l'événement qui va se dérouler à Montigny-le-Tilleul, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont mis en place. Et on essaye de préparer une émission spéciale pour le 22 juin. On espère que ça se fera, où on serait en direct de ce village-là le matin entre 6h et 9h. Avec vous toutes, vous tous, à vous offrir le petit-déj gratos. Ça va l'ordinateur sinon, Sandro ? Ça va. Pas l'air d'aller. Je parle d'un seul coup, il n'y a plus de son derrière ma voix. Je ne sais pas si vous en rendez compte, ça fait bizarre sur le fun quand il n'y a pas de son. En fait, ça fait un peu libre antenne. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est Vince. La météo. La journée sera marquée par un temps sec, d'abord ensoleillé, puis de plus en plus nuageux. Le thermomètre affichera 18 degrés au littoral et de 20 à 22 degrés ailleurs. Prochain rendez-vous de l'info à 7h et tout de suite, c'est Global DJ sur Fun Radio. Bon, si ça marche. Hein. Ouais, pas gagné. Hein. Si... On nous a changé le système d'ordinateur. Il y en a qui disaient c'était mieux avant. Ben là, je pense que. Ouais, c'était mieux avant. Du son dance floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Vite le micro, hop ça y est. Alors mesdames et messieurs, bienvenue, c'est Fun Radio, c'est Evan, c'est la tribu et l'ordinateur vient de s'arrêter. L'ordinateur qui nous permet de diffuser les titres. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, ça ne marche qu'à moitié aujourd'hui. Ah c'est fatigant. C'est vendredi. Hein. Bon, on va essayer de faire une émission un peu à l'arrache avec l'ordinateur qui peine ce matin, l'ordinateur de diffusion. Qu'est-ce qu'il y a mon doudou? Je peux remettre Global DJs. Bon si tu veux. On se fait plaisir. Est-ce que tout le monde vote pour remettre les Global DJs? Ah oui. Et ça ah va oui. se réarrêter dans une minute? Bah bien sûr. Ok d'accord, je vais juste du jeu. Vas-y. Ah bah voilà. Laisse les micros allumés quand même. Ouais ouais, c'est pas prudent. Bonjour à vous, c'est Evan, c'est la tribu, on est ensemble jusqu'à un peu plus de 9h. Bonjour l'ordinateur. Sur Fun Radio, nous allons lire les messages dans un instant arrivés par SMS au 3044 sur le Facebook de l'émission et sur le Snapchat de l'émission. Notre studio ce matin est aux couleurs de la Belgique grâce à un copain de Jean-François. Rappelle-nous, tu peux nous présenter ton copain, enfin ton copain officiellement. Et ton copain. On peut pas tout dire sur la radio. Exactement, ouais. Surtout que ta femme écoute. Non, voilà, Michel qui pendant l'Euro va se balader à gauche et à droite pour vendre des petits gadgets pour les supporters. C'est quoi ton entreprise à Michel? Oh, c'est pas vraiment une entreprise, il fait ça, c'est un vrai passionné de foot et donc... Ah, il fait ça au voilà. Bac quoi. Ouais, ouais, ouais. N'importe quoi. Mais en France, ils vendent des petites tours Eiffel aussi, c'est ça. Dans ces cas-là, il est pas en noir hein, quand il fait ça. Non, il est un peu plus clair. Donc, Michel, t'es venu avec... Alors déjà, on va te dire bonjour, on va te filer un micro. Bonjour, bon Michel, ça va? Bonjour la tribu. Il a dormi que 2 heures, Michel. Il est très venu bien. Nous voir nous ce matin. Insupportable, donc tout va bien. Merci en tout cas d'avoir vraiment déguisé le studio, maquillé le studio aux couleurs de la Belgique avec des Go Belgium, avec des... comment ça s'appelle? Des perruques en forme de foufoune. Elles sont magnifiques. Ah, mais c'est vrai. Alors, il y a aussi... t'es pas venu avec un vouvouzela, c'est quoi? C'est non. Quoi non, c'est la Diabolica. Voilà. Est-ce que tu peux nous la faire péter un petit peu? Oui, bien sûr. On écoute un peu le bruit. Attention. On croirait une sirène. Et c'est quoi l'histoire de la Diabolica? Ça, c'est un carton, parce qu'évidemment, maintenant, c'est vendu dans le monde entier. Mais voilà, ça a été repris par quelqu'un qui habite la région de Mons. Et c'est une trompette qui existait déjà depuis, je crois, 16 ans. Et puis, il a eu un bon concept intelligent. Il a mis un nom à cette trompette. Et on l'a appelée la Diabolica. Et donc, tous les gens disent maintenant, ben voilà, c'est une Diabolica. Tout ça existe depuis longtemps déjà. Mec, très intelligent. Le mec a été malin en termes de business. De communication et de business. Ouais. Bon, ben merci en tout cas d'être venu avec plein de petits cadeaux, plein de petits gadgets ce matin. Au aux couleurs de la Belgique. 6h43 déjà. Allez, on va lire vos messages sur le Snapchat de l'émission, Justine. Alors, Hélène nous dit vive la Belgique, on vous soutient, merci les diables. Manu, hello les rondelles, MDR, ça va les bugs techniques, c'est ça qui est bon avec vous. Et puis Jeanne, salut la tribu, vous êtes au top, c'est mon anif aujourd'hui et je suis debout de bonne humeur déjà grâce à vous. Joyeux anniversaire ma Jeanne, je te fais des gros bisous. Sœur Khalid du Ramon, les températures, on vous lit ce matin, quel temps fait-il, quelle température avons-nous partout en Belgique? Fabrizio nous annonce 15 degrés du côté de Forêt, à Erve il fait 9 degrés, salut à vous les rondelles, c'est Jean-Luc qui nous dit ça, 13 degrés du côté de Mons. Merci Pauline, et Paula nous annonce 12 degrés au-dessus de Charleroi. La phrase Facebook du jour. Non. Oh non, non. Oh non. Pas de phrase Facebook. Oh non. Oh non, j'adore. Dommage. Et c'est fou parce qu'une émission, une émission sans habillage, hein, c'est vrai que c'est tout de suite pas la même connotation. Un morning sans habillage, sans les petits instrus, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être envoyer la pub. Hein, on fait ça après. Non, là, regarde, elle est là. Ok, très bien. Bon, je sais pas si on ira jusqu'au bout. Hein. C'est bon. Top à toi. Attendre devant une maternelle qu'une maman demande « C'est lequel le vôtre ?» Répondre « J'ai pas encore choisi. » Oh, c'est hard. Oui, je sais. Elle a été choquée, Justine. Comme d'habitude. Le son de Kungs, c'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio. On parlera de Kungs qui sera l'invité d'Audrey cet après-midi. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certains. Ouh, quel swing, bravo. Oh, la balle file tout droit vers... Non. Oui, all in one, voilà. Non, attendez. Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Oh, ça veut dire double all in one. J'ai jamais vu ça, jamais. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5 500 €. Plus d'infos sur Volkswagen.be. Panos présente les feux du four. Allez la famille à croquer, pareil pour les montagnes russes. Ah, pas souci, je sais pas si moi l'américain a préparé, moi. C'est pas le cornichon, Martino, plus t'as relevé, mieux c'est. Oh. Allez, amène tes oignons. Hey, Donette, un petit tour. Oh, ça va vite, j'ai mon sucre qui s'envole. T'inquiète, Donette, avec moi t'es bien calé. On peut retourner au Panos maintenant. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Kyo est présente. Chaque inconvénient a son avantage. Inconvénient. Vous devez faire le plein. Oui, je dois faire le plein. Avantage. Cette semaine, dans tous les Kyo est avec Deleuze Shop & Go, vous trouvez un poulet rôti à emporter pour seulement 4 €. Un poulet rôti? Et y a plus qu'à le réchauffer? Oh, c'est du luxe. Ça, c'est un bel avantage. Quand on veut vite trouver en cours de route une idée pour le dîner. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Passez donc maintenant dans un Q8 près de chez vous. Action sous condition. Petit-déj gratos. Déconne et son dance floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio.

11h56 sur Fun Radio. À l'instant, David Guetta. J'ai regardé combien il avait gagné d'argent, David Guetta, en 2015. Oh, ça va, arrête. Ça fait mal aux fesses quand même. Hein. Ah bon? 37 millions de dollars. Oh, juste en 2015. 37 millions. 37 millions de dollars. Tu sais que j'ai vu une vidéo où Martin Garrix en fait arrive en bateau à Miami chez David Guetta. Oui, je l'ai vu aussi, oui. Ils sont potes en fait et il arrive et il détruit complètement le petit pont. Le ponton, oui. Ouais, ouais, ben, ils s'en foutent complètement. Alors ils rigolent. Ça doit coûter des milliers d'euros. Ils s'en foutent, ils sont potes. C'est dingue, je trouve. Mais alors, du coup, David Guetta, il paye, vu qu'il est français, il paye ses impôts en France? Ou ben, pas? Non, là où il habite, je suppose. Bah, je sais pas, parce que s'il paye en France, 75% sur ce qu'il a. Ah oui, il a pas de maison en France, si? Je sais pas du tout. Je vais l'appeler. Je ouais, ouais. qu'est-ce que je vais-t-il vous dire? 6h57. Non, mais tu sais quoi, je vais l'appeler. Mais je vais vraiment vous raconter une anecdote qui est vraie. Moi, j'ai connu David Guetta rue Bayard quand je travaillais sur Fun France, où il est venu apporter son premier vinyle. C'était en 2001, en essayant de tout faire pour que ça passe sur Fun. Et tu vois comme c'est quoi les... C'était en 2001 et 2001-2002 et puis bah depuis voilà 14 ans après. Est-ce qu'il est gentil? Ouais. Il a l'air. Vraiment. Ouais, il a l'air sympa. Je l'ai reçu dans une émission deux fois. Et franchement, c'est un mec adorable. Très sympa. Après, c'est souvent l'entourage et le staff qui est un peu prise de tête. 6h57 dans un instant. Les infos, la météo, il est l'heure de jouer ensemble le 5 secondes chrono. C'est parti. Yeah, let's go. 5 secondes chrono. Yeah. Affrontez Ivan et sa tribu. Normalement avec nous, je dis bien normalement parce que ce matin on a des problèmes techniques dans tous les sens. Vous n'êtes pas censé le savoir, mais normalement Nadir est avec nous. Bonjour Nadir. Normalement, et comme on a des problèmes techniques, il est pas là. Voilà. Et bien Nadir, tu joueras plus tard, un autre jour. Je sais pas, en juillet. On va jouer avec les gens de l'équipe. Tiens, on va faire affronter Jean-François contre Michel. Michel qui est venu ce matin décorer le studio. Ça va être le combat des hommes ce matin. Vous allez jouer aux 5 secondes chrono. Jean-François, on va commencer avec toi. Tu es prêt, mon doudou? Je suis prêt. Si ton micro veut bien fonctionner. En moins de 5 secondes chrono, Jean-François, cite-moi 3 races de félins. Top! 3 races de félins? La panthère, le jaguar, le lion, Justine. Un petit peu d'accord. Donc 3, c'est bon, 1 point marqué pour Jean-François. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme félin? Le chat, tout simplement. Oui. Le chat est un félin, on est d'accord. La chatte. Oui, aussi. Le lynx. T'as remarqué que j'ai pas relevé. Oui, non, bien sûr. Non, mais... Faut tirer la chasse quand c'est comme ça. Michel, c'est à toi. Michel qui a décoré le studio ce matin en mode Belgium. Michel, en moins de 5 secondes chrono, cite-moi 3 enseignes d'épicerie. Top! Carrefour, Deleuze, Lidl. Et ben voilà. Ouais, c'est supermarché, ça, quand même. Ouais, supermarché. Est-ce qu'épicerie, on vend tout? Il n'y avait pas d'autre chose en épicerie? Chez nous. Bah, il y a les paquis, il y a... Cite-moi 3 épiceries, bah, paquis. Voilà. Eh bien, c'est un match nul, mais vous avez été bons tous les deux, un point partout. Bravo à vous, si vous aussi, vous voulez jouer avec nous aux 5 secondes chrono, si vous voulez avoir la chance de passer sur l'antenne, si le standard veut bien fonctionner, écoutez comment ça se passe. Pour jouer vous aussi aux 5 secondes chrono avec Méga Bleu, envoyez le chiffre 5 par SMS au 6322. Allez, dans un instant, on vous expliquera comment vous allez pouvoir remporter votre hoverboard ce matin de chez Urban Wheels. C'est vendredi 10 juin. L'Euro débute aujourd'hui. Le studio est aux couleurs de la Belgique. Bonjour à vous. Il est 7h. Fun. Fun Radio. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Dans quelques instants, ça sera le son d'Imani sur Fun Radio. Mais d'abord, 7h pile, on s'informe avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Le président des États-Unis, Barack Obama, a annoncé hier qu'il soutenait Hillary Clinton dans la course à la Maison Blanche. Je suis avec elle, a lancé Obama dans un message vidéo diffusé peu après sa rencontre avec l'autre candidat démocrate, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui a refusé à ce jour de se retirer de la course, déterminé à tout faire pour qu'un candidat de son camp lui succède à la Maison Blanche en 2017. Barack Obama est à la manœuvre depuis plus

myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Sur Fun Radio, merci de commencer la journée avec nous, que vous soyez ce matin Liège, peut-être à Mons, à Namur, du côté de Nivelles, encore à Soigny. Bonjour les doudous. Emmanuel Tibu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, c'est pour que les connards. Emmanuel Tibu, c'est sur Fun Radio. Et dites-nous ce matin où vous êtes, dans quelle ville et surtout quelle température vous avez. Je vais vous lire dans un instant, notamment les enfants. Si vous voulez regarder la température qu'il y a dans la voiture, sur le thermomètre extérieur, nous dire quel temps il fait, vous nous envoyez un prénom, une ville. Et puis voilà, on vous lira tout à l'heure. SMS 3044 et sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu. Ce matin, le studio est aux couleurs de la Belgique. On a des perruques, on a des diabolicas, on a, qu'est-ce qu'on a, des bracelets. Ils sont beaux les bracelets en plus, hein. Franchement, ouais, ils sont classe. Toute l'équipe est là. Justine, bonjour. Hello. Sœur Khalid du Jambon. Hello. Jean-François, l'info, la météo, l'info trafic. Bonjour, Jeff. Bonjour. Et Sandro à la réa ce matin. Et quelle réa, parce bonjour. Que on a changé le logiciel informatique et je peux vous dire que le petit Sandro, il a déçu. Ah là là là là. On dirait le réalisateur de TF1 hier dans l'émission spéciale. D'ailleurs, hier sur TF1, si vous avez vu l'émission spéciale, il y avait beaucoup de ratés. Et notamment, là, j'étais en train de partager un post avec un réalisateur du groupe RTL qui disait que vraiment le son était pourri. C'est vrai que le son était pas totalement bon pour les artistes. C'était très bizarre la façon dont c'était mixé. Ils ont dû mettre des stagiaires. Enfin, le son était pourri. Je sais pas si t'as vu la prestation de Will.i.am, mais c'était pas que le son. Ah oui, c'est vrai que Will.i.am, quand il n'y a pas l'ordinateur derrière, c'est un peu compliqué. Quand même, hein. Qu'est-ce qu'on va avoir dans un instant? Fifth Harmony pour le son Dance Floor. Il y aura Martin Garrix aussi. J'ai la voix qui déraille. Ce matin. Avant j'ai les cordes vocales qui sont en train de me lâcher sur Fun. Est-ce qu'on a des prénoms à fêter aujourd'hui, Justine? On fête les Diana. Bonne fête à vous. On va tenter de vous offrir ce matin le dernier hoverboard de chez Urban Wheels mis en jeu. Toute cette semaine, vous avez pu en gagner un entre 6h et 9h. Il y aura une inscription qui se fera là dans moins de 5 minutes. Restez avec nous. Petit déj gratos, on le fait maintenant. Petit déj gratos sur Fun Radio. On est où, Justine, aujourd'hui? Ce matin, on est dans la région de Mons. On est à Couem. Vous allez rue Ferrer au numéro 24. C'est la boulangerie qui s'appelle la Ronde des Pins. Et c'est Linda qui vous accueille pour vous offrir une viennoiserie par personne. Voilà, on met l'adresse sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Couem, c'est près de quelle grande ville? Jurbise, on va dire. Mons. Près de Mons. Très bien. La région montoise et montoise. Nous avons deux représentants de Mons dans ce studio. Il y a Sœur Khalid du Jambon et Justine également. Vive les montoises et montoises. Voici Fifth Harmony sur Fun Radio avec Work From Home sur Fun. I worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're. work, let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, sur Fun Radio, vous allez pouvoir tenter de remporter dans quelques instants sur Fun Radio votre hoverboard de chez Urban Wheels, a gagné, le dernier à gagner ce matin entre 6h et 9h en ce vendredi 10 juin. Je vais vous poser une question à toutes et tous et essayer de répondre à cette question très simple. Ça se passe à Londres. Pourquoi 45 336 personnes sont-elles sur liste d'attente? Justine. Pourquoi, à ton avis? Je vais essayer de faire jouer les auditeurs. Si vous connaissez la bonne réponse, SMS 3044. Est-ce que c'est un rapport avec la famille royale? Pas du tout. T'es hyper loin. Khalid. C'est quoi? C'est des donneurs de sperme? Non, pas du tout. Je sais que tu es en liste d'attente aussi, toi. C'est ça. Non, rien à voir. T'es hyper loin. Jean-François, l'info la météo. Peut-être que dans tes insolites du week-end, tu l'as vu cette info. Non, j'ai pas encore tout préparé, donc j'ai pas encore tout vu. T'as rien foutu. Ok. Exactement. Sandro à l'area, une idée? Aucune. Bon, alors je vais vous donner un indice. Ça se passe dans un restaurant. Ah oui. Toi, tu sais? Alors, c'est pas en Italie? Non, c'est pas en Italie, c'est à Londres. C'est un restaurant de stars ou un truc comme ça? Non, rien à voir avec les stars. Ah. Des stars peuvent y aller, d'ailleurs si des stars y vont, moi j'y vais. Ah bon? Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est un restaurant, c'est ça? Ouais, bah, je vais faire jouer les auditeurs, puisque pour l'instant autour de l'équipe vous êtes tous éloignés. Ah si, ça y est. Tu sais, t'es sûr? Ok. Alors si vous savez pourquoi il y a plus de 45 000 personnes qui sont en liste d'attente dans un restaurant à Londres qui a ouvert début juin, donc il y a quelques jours, dites-le moi, SMS 3044, parce que ce restaurant, je voudrais qu'on y aille tous ensemble. Hein, Jean-François? Ouais. Hein, t'es prêt? On en parle dans un instant, tout de suite. Le son de Martin Garrix va débarquer, le son Dance Floor de Fun Radio. Toute la Belgique se réveille ce matin aux couleurs des diables. C'est le début de l'Euro, bonjour. Allez. Ah. Ok. Quel merdier. Partez vous éclater à deux avec transport et hébergement en Hongrie au Balaton Sound grâce à Fun Radio. Fun Radio. Sur scène, Dimitri Vegas et Like Mike, Robin Schulz, Oliver Heldens, Martin Garrix et plein d'autres. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio. Partagez le post du Balaton Sound et laissez un commentaire avec le nom de la personne Facebook qui ira faire la teuf avec vous en Hongrie en VIP. Le Balaton Sound, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Avec Destination Clubbing, le partenaire transport officiel du Balaton Sound. Comment bien manger? Quand le soleil arrive à l'improviste. En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Châteaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 € de réduction sur le kilo de Châteaubriand. Deleuze, acheter, bien manger. Vivez l'Euro 2016 avec le soir. Encouragez les Diables Rouges tout au long de l'Euro avec le bracelet du supporter aux couleurs de la Belgique. Un bracelet Diable Rouge en tissu gratuit, c'est ce samedi en librairie avec votre journal Le Soir. Le Soir, je lis, donc j'agis. Pour vous secouer dès le matin, yeah. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. A one shot that you fire at the sky, hoping someone else can see it. Just a sign that you're not out there on your own. We come one tonight. I've been waiting for your wake up call. Growing stronger now. I can hear it in the thunderstorm. We sing, oh, I don't wanna do this without you. Now that I found you, sur Fun Radio, vous allez pouvoir remporter dans quelques instants votre overboard de chez Urban Wheels. Voilà comment ça va se passer, vous allez être sélectionné. Il y a une grande finale qu'on va faire en fin d'émission. Alors je vais vous donner un top et au moment où je vais vous balancer le top, il suffira tout simplement d'être très rapide par SMS au 6322. Attendez, je vous donne le top, ce sera avant 7h30. Nous parlions d'un restaurant qui a plus de 45 000 personnes en liste d'attente. Quel est ce restaurant et pourquoi? Seul Jean-François d'ailleurs autour de la table le sait. On me dit par SMS un resto sans impureté. Non, ce n'est pas exactement la bonne réponse que j'attendais. Normalement, du côté du standard, on a Mickaël de Charleroi, 32 ans. Bonjour Mickaël. Bonjour Evan, bonjour tribu. Mickaël, bienvenue à toi. Oh, t'as la voix du gars qui vient de se réveiller, un peu compliqué ce matin. Ouais, voilà, c'est un drôle de métier, donc c'est pas toujours facile. Tu t'es couché à quelle heure? Ou tu t'es levé à quelle heure? Je me suis levé tard, je me suis levé tôt. Ah oui, donc peu dormi. T'as regardé la cérémonie d'ouverture de l'Euro hier ou pas? Malheureusement, non, je travaillais, malheureusement. Tu fais quoi dans la vie, Mickaël? Je suis agent de sécurité. Bon, bah bon courage en tout cas pour le taf, bon courage pour ton réveil ce matin. Alors, qu'est-ce qui fait ce restaurant à Londres si particulier qu'il a 45 000 personnes en liste d'attente? C'est un restaurant pour nudistes. Alors, c'est un restaurant pour nudistes, je t'accorde la bonne réponse, tout comme Estelle de Liège qui dit c'est un restaurant où on mange tout nu. Ça paraît incroyable, mais effectivement, c'est un restaurant qui a un succès de dingue. Et il faut savoir que même les serveurs sont tout nus, sauf que, alors attends, ils ont quand même un petit cache sur leurs parties intimes afin d'éviter que le client, une fois assis, se retrouve à la même hauteur que le zizi du serveur. C'est là où t'as pas intérêt de te tromper de saucisse. Hein. Ah, ça, tu piques la fourchette au mauvais endroit, c'est surtout mauvais. Alors, Michael, est-ce que tu ferais partie de ces 45 000 personnes qui seraient sur une liste d'attente pour pouvoir aller manger comme ça à poil avec ta famille, tes potos au restaurant? Non, je pense pas. Bah moi pareil, hein. Franchement je me vois pas assis, il y a des photos d'ailleurs, on voit les gens et c'est vrai qu'il paraît que c'est une expérience libérée des pièges de la vie moderne. Question, ton GSM tu le rends où dans ces cas-là? Justine. Mais attends, donc comme tu te balades pas à poil dans la rue, t'arrives habillé et tu te déshabilles en réinvestir et puis tu te déshabilles pour manger. Exactement, ça s'appelle le bougnadi, hein, c'est comme ça le restaurant. Et donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter de son apparence vestimentaire ou de surveiller donc son smartphone puisque on propose non seulement des plats végétariens notamment. Alors il y a des assiettes en argile faites à la main accompagnées de couverts comestibles. C'est vraiment pour un tout pour la nature quoi, le côté très très naturel. Et effectivement on vous propose de vous mettre nu pour aller déjeuner fou, ça, ou dîner. Khalid, est-ce que tu irais, toi qui suis super pudique? Ben si propose la viande halal, j'y vais tout de suite. Jean-François, tu irais? J'irai, mais peut-être sauf si on me propose de faire le sabayon. Tu sais, c'est le truc, le dessert qu'on doit secouer avec un fouet là. Je verrai avec quoi il est secoué. Voilà l'info ce matin, moi qui m'a vraiment interpellé. Je voulais en parler un petit peu avec vous toutes, vous tous. Mickaël, félicitations pour la bonne réponse. Tu vas repartir avec du cadeau fun à gérer avec Billy au standard. Je t'embrasse, Mickaël. Bon courage pour la suite. Hein. Je t'embrasse. Il y a quelqu'un qui me dit espérons que la spécialité là-bas ne soit pas le cassoulet. Allez, 7h23, à la suite du Stand and Floor, c'est Calvin Harris et Rihanna qui débarque. Et puis juste après, sur Fun Radio, vous allez pouvoir tenter de remporter ce matin votre overboard, le dernier mis en jeu. Mon copain de chez Urban Wheels sur Fun. Bonjour, bon vendredi. C'est passé dans la Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Je suis allée manger chez mes potes ce week-end et je peux te dire que leurs toilettes, c'est genre les toilettes de mes rêves, quoi. En gros, quand t'arrives dans la toilette, t'as une boule à facettes qui se met à tourner, t'as de la musique à fond. Je te jure, je suis allée 4 fois aux toilettes. Juste pour danser toute seule. Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Il y a longtemps, je me trouvais dans un GSM. Et moi dans une foreuse. Et on nous a abandonnés au garage. C'est nul. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. C'est grave, docteur? Non, c'est une petite Bentekit, c'est déjà pas une compagnie. Oh, vous me rassurez. Je vais vous prescrire quand même du Lucacox, vous serez vite sur pied. Merci, docteur. Toute la Belgique est folle des Diables Rouges. Vous aussi? Alors complétez vite votre collection de stickers Panini avant le 28 juin. En exclusivité dans les hypermarchés Carrefour, les Carrefour Market et les Carrefour Express. Info en magasin et sur faitonlefoot.be. The best radio. My station. Fun Radio. There is something on my mind. Something that you should know. There is pain in my soul. That you may not be for you leave. Je veux 100% des oiseaux sont monogames. C'est vrai, hein? J'ai vécu 5 ans avec un canard. Très très jolie petite fesse. Evan et la tribu sur Fun Radio. Les vraies infos sont dans les jingles. Le reste, c'est de la déconne. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. What you came for? Lightning strikes every time she moves. Sur Fun Radio, nous sommes vendredi, aujourd'hui vendredi 10 juin, c'est l'ouverture officielle de l'Euro aujourd'hui et vous allez pouvoir dans un instant kiffer le son de Chris Cab, il y aura du Fabien Fayèche. Avant 8h, nous jouerons au fameux qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Khalid. Nous cherchons maintenant depuis quasiment deux semaines, il y a du pognon à la clé. Combien il y a dans la cagnotte d'ailleurs actuellement? Il y a 90 euros. 90 euros à vous offrir tout à l'heure si vous trouvez ce qu'il y a dans la boîte de Khalid. Et puis pour le petit déj gratos, on rappelle où on est ce matin. On est à Couëm, vous allez rue Ferrer au numéro 24. La boulangerie, c'est la Ronde des Pins. Et c'est Linda qui vous attend pour vous offrir une viennoiserie au choix. La suite du son, c'est Chris Cabello Soufa sur Fun Radio. Radio. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be.

ça fait. Pas d'un pic, et ça fait. Ça même, et ça fait. Ici l'ambiance électrique et l'avenir est étriqué. Faut qu'on perd fort, faire fort, finir friqué. Entouré de briques et l'amour est fabriqué. Je brise en bling bling grâce au public et c'est briqué. J'ai gardé la vista, ma vie est un fist. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas de message codé, je finis aux côtés de Christ. We were on the floor, man, so much more. Can't move yeah. In that way. Prenons la police, get on star. Ghetto star, négropolitain avec un bête de star. Let's go back to mine for a smoking one. If you want to, you can stay. Et je représente le hip hop, hip hop. Symbole de la vie, ce que ma clique porte. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a mad dash. Ce n'est que le début. On arrive sur le reste du monde. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets. C'est ça, mec. Kinshasa est dans la place, Paris est dans la place, et ça fait bim bada bing, bim bada bing. 7h38 sur Fun Radio, Fabien Feillet sera là dans quelques instants. Nous allons écouter le son de Madden avec le Café Del Mar 2016. Et alors j'ai une mauvaise nouvelle les doudous pour vous ce matin, c'est que pour l'instant je ne peux pas lancer l'opération Overboard avec nos copains de chez Urban Wheel. Pourquoi? Tout simplement, Khalid, parce que le site qui nous permet de recevoir vos SMS au 6322 ne marche pas. Hein. On voit ce site est inaccessible. Nanana.be a mis trop de temps à répondre. Essayez des suggestions ci-dessous. Rechargez la page. C'est fait, ça marche pas. Donne-moi le numéro tout de suite de nanana.be. Vérifiez la connexion, ça marche pas. Vérifiez le proxy et le pare-feu. Voilà ce qu'on nous conseille. J'ai jamais compris. Ça fonctionne pas non plus. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que pour l'instant, c'est foiré, ça ne marche pas. Donc, si ça fonctionne d'ici la fin de l'émission, promis, on lancera le concours Overboard. Et si jamais ça ne refonctionne pas d'ici la fin de l'émission, eh bien, on le décalera tout simplement à lundi matin entre 6h et 9h. Pas de soucis, les doudous. Le dernier Overboard qu'il y a à gagner, vous allez pouvoir le remporter. Allez, dans un instant, juste après le son de Madden et Café Del Mar sur Fun Radio, c'est Fabien Feillège qui va arriver avec un spécial foot aujourd'hui. Et ensuite, le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Il y a combien à gagner ce matin? 90 euros. Peut-être pour vous avant 8h. Ah oui, mais si on arrive à les faire jouer, bordel. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, c'est tellement bien de sentir le vent dans ses cheveux en roulant. Ah oui, mais ce serait quand même mieux si on roulait en décapotable. Et pas seulement avec les fenêtres ouvertes. One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Est-ce qu'on dort mieux dans un hôtel de rêve? Ou est-ce qu'on rêve mieux dans un hôtel de luxe? Flair. Cette semaine avec Flair, hôtel de luxe pour seulement 35 euros par personne. Il faut le Flair. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois? Moi, j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord? Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Porte ouverte ce week-end, dimanche compris, dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Bien, mais moi j'aime bien la viande quand elle est bien tendre. Eh bien, vous ne trouvez pas plus tendre que notre filet pur de porc, hein, monsieur Marc? Oh, notre filet pur de porc! Une viande comme ça, ça se mange tout seul, petit. Oui, mais franchement, à ce prix-là, ce serait dommage de la manger tout seul. Mais c'est une expression! Oui, je sais, mais quand même, on pourrait la manger à deux. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre excellent filet pur de porc est à seulement 9,29 euros le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Fun Radio présente la Garden Party les 23 et 24 juin au parc de l'Esplanade à Hatte. Deux jours de fiesta et de son dance floor avec en live Willy William, James Dino, Dedicé et Vince de Fun Radio. Ne manquez pas la Garden Party les 23 et 24 juin au parc de l'Esplanade à Hatte. Infos et réservations sur ticketmaster.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Du son dance floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. We met a summer night and I held you tight in the golden light. And ever since that time, I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life. Give me one more night, and I'll hold you tight in the golden light. In the golden light. Sur Fun Radio, on va rappeler ce qu'il y a dans la boîte, du moins les indices qui vont vous permettre de jouer avec nous. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte dans quelques instants? Il y a 90 euros dans la cagnotte et nous cherchons quelque chose caché par Khalid. En fait, il s'agit d'une bouteille de boisson qui contient ah, t'as du mal. Petit... Ben non, mais en fait, j'essaye de faire au plus simple pour les auditeurs. Ça contient un petit filtre en aluminium comme sur les pots de Nutella et il manque juste en fait le nom de la boisson. Khalid, est-ce qu'on est dans une bonne explication de Justine? J'ai rien compris parce qu'heureusement que je sais ce que c'est. Ouais. Déjà, hein, heureusement. Mais on y est presque. Hein. Là, à mon avis, ça va tomber soit aujourd'hui, soit lundi. Hein. 90 euros, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte sur Fun Radio? Et il faut rajouter, on sait que c'est un produit laitier. Oui. Ok, alors. Avec des fruits. Vu que les SMS ne fonctionnent pas, Sandro à l'AREA, est-ce qu'on peut éventuellement demander aux gens de nous appeler au standard? Est-ce que ça va fonctionner? Alors, je vais essayer. Ou sinon, on joue par mail. ça non, a l'air de fonctionner. Ils peuvent envoyer un courrier aussi, ils ont fouillé. Vous venez, 33 avenue Télémac. Ouais, venez directement au studio. Bon, dans un instant, on va vous faire jouer. On ne sait pas encore comment. Soit par standard, soit par mail, etc. Mais pensez à bien réfléchir. Ça fonctionne ? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Alors, si vous pensez savoir ce qu'il y a dans la boîte pour 90€, vous appelez ce numéro. Le 02 851 4x0. J'adore parce que Justine cherche dans le studio. Mais il est où le numéro ? Il est où ? Elle ne le connaît pas par cœur. Pepe 02 Lâche. Combien ? 4x0. 02 851 4x0, Justine. Ça fait combien de temps que tu travailles ici ? Non, mais c'est parce que je confonds toujours sur 3. Non, je sais pas. Fabien Feyesh. Bon, ce matin, Fabien Feyesh nous a fait une spéciale football. Et en fait, imaginez qu'il a appelé des supporters de l'OM, l'Olympique de Marseille. Ouais. Mais qui sont un peu chauds, tu vois. Et il les a appelés peu avant un match du PSG dans le cadre de la Ligue des Champions pour proposer aux supporters de l'OM d'aller assister en tant que supporter au match du PSG contre un autre club de foot, mais rien à voir avec l'OM. Écoutez ce que ça donne. Fabien Feyesh. Oui, allô ? Bonjour, je m'appelle Fabien Feyesh. Bonjour. C'est qui là ? C'est Stéphane ? Ouais, c'est moi. Je t'appelle en fait parce que j'ai vu que tu cherchais des places là, des places de foot sur le forum. Ouais, pourquoi ? Tu as des places ou... Bah ouais, ou ouais, moi j'ai un bon plan là pour te vendre des places à moitié prix. Vas-y, dis-moi. Bah en fait, moi j'ai des places pour Valence PSG, Ligue des Champions. Pardon ? J'ai des places pour Valence PSG. Tu me prends pas quand ou c'est une blague ? Bah non, pas du tout, non, j'ai des places, hein, moitié prix. Par contre, faut que tu te dépêches. Tu veux me vendre les trucs de Paris ? Tu me chauffes ou quoi ? Mais non, j'ai 80€ la place, c'est... Bah les couilles, de quoi tu me parles ? Tu me parles de Paris ? Moi je suis refroidi sur là, mais tu es fou quoi ? Mais non, mais ça va partir vite, hein, faut la prendre maintenant, hein. Mais tu es fou quoi, vas-y, dégage. Allô ? Oui, re-re-coucou Stéphane. Mais vas-y, mais laisse-moi tranquille avec tes places de Paris. Attends. C'est fou ou quoi ? Mais non, tu vas être content. Parce qu'en fait, j'ai négocié. Alors, 100€, t'as la place au stade pour le match du PSG, plus une place dans le bus avec les supporters du PSG. Vas-y, dégage ou je monte à Paris, je te crève, ma parole, je te le dis. 100 euros! Mais laisse-moi tranquille avec tes 100€, t'as compris ? Mais 100€, t'as une place dans le bus. Bon, écoute, éventuellement, oui. Je viens. Avec des amis, oui. Mais ma parole, on vous casse la bouche à tous. Ouais, le problème, c'est que j'ai qu'une place. Hein. Y'a qu'une place ? Ouais. Mais c'est pas grave, mes amis, ils vous attendront devant le bus. Juste avant de monter, on vous fait une belle tête, et après tu vas voir. Ne m'appelle plus, sinon je vais monter te voir à Paris, ma parole. Allô ? Re-re-re-coucou, c'est toujours Fabien Feyesh pour les places. Mais fou quoi, t'as de me rappeler à chaque fois, mais vas-y, mais laisse-moi tranquille. Non mais je me permets de rappeler parce que j'ai une bonne nouvelle là. C'est quoi ta nouvelle ? Je me suis renseigné, tu pourras faire des photos avec les joueurs du PSG. Ah ouais ? Ouais, ça c'est sûr, c'est négocié. Mais qu'ils aillent se faire tout ça, mais... Écoutez toute la journée, quand vous voulez, Fabien Feyesh, sur soundcloud.com, en tapant dans le moteur de recherche, Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h. Avec Oli sur Fun Radio. Party Fun. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin. Avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumet Toscan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Nos Pires Voisins 2 et Ninja Turtles 2. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Le tout nouveau Samsung Galaxy S7, vous en rêvez ? Avec l'avenir, offrez-vous votre smartphone ainsi que toute l'actu belge, internationale et celle de votre région pour seulement 28€ par mois. Faites-vous plaisir et profitez de cette offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir est au contenu. C'est moi, Hip, le Diable Rouge joue contre l'Italie, Mamma Mia! Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50€, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM! 10% sur vos prochains achats. 10%! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. The best radio. My station. Fun radio. There is something on my mind. Something that you should know. Something in my soul. got my love. C'est pas parce que vous dormez avec des canards qu'on va vous empêcher de bien vous réveiller. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. Au contraire, ici, on adore les canards. Hein, Evan ? Coin, coin. Quasi 7h56 sur Fun Radio. Avant 8h, il y aura Juan Magan. Et puis nous allons jouer ensemble pour essayer de vous faire gagner du pognon. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors je vais quand même rappeler tous les indices qui ont été trouvés au fur et à mesure depuis le début, quasi deux semaines. Nous cherchons ce qu'il y a dans la boîte. Seul Khalid sait ce qu'il y a dans la boîte puisque c'est lui qui l'a planqué. Évidemment, avec son esprit un petit peu pervers, il a essayé de vous piéger. Ça mesure entre 5 et 10 cm, c'est indispensable à la vie de tous les jours. C'est pas électronique, on peut l'emmener avec soi, les enfants peuvent s'en servir. Pas de couleur spécifique, pas mou, ça ne coûte pas cher, ça se met en poche, ça a un rapport avec un fruit, c'est plat, il y a un contenant. Il y avait le terme chapeau qui était un indice. Ce n'est pas vraiment une boîte, ça tient dans la main. Et puis on a parlé également de l'indice fermeture et couvercle, c'est en rapport avec du papier d'alu de forme ronde et en rapport avec une boisson. Justine, est-ce que nous avons quelqu'un au téléphone pour la proposition du jour? On a Camille. Bonjour Camille. Camille, ma caca, ma Camille. Décidément, j'ai jamais vu une journée aussi pourrie au niveau de la vie. Putain, mais ça me saoule. Ah, j'ai entendu quelqu'un. Camille. Camille. Allô. Une fois. Allô. Alors attends, j'ai deux personnes au téléphone. Bon, alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer Juan Magan. Vas-y, on voit Juan Magan, et puis dans un instant, on va essayer de la reprendre correctement. Parce que là, vraiment, ça devient difficile de faire de la radio ce matin. Vous êtes bien sur Radio Galaswinja. Bonjour à vous, c'est 57. Voici le son de Juan Magan sur Fun Radio. On a des problèmes techniques. Ça va aller. We'll be right back. inevitable ver cómo una pareja se pierde en la rutina, las cosas cotidianas de la vida. Es por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé. Dans un instant, les infos, la météo, il y aura le petit déj gratos. On sera du côté de Quem ce matin et nous jouons au qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Sœur Khalid du jambon avec cet objet que nous tentons de chercher. Hein, vous tentez de trouver pour 90 euros ce matin. Voici quelques propositions qui sont arrivées. On nous propose comme objet de l'Oasis, un Oasis. Non, parce que c'est un produit laitier, donc Oasis n'est pas un produit laitier. D'accord, donc sans Pellegrino, c'est pas bon. Non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Caprice non plus. Du café froid. Non, c'est pas ça non plus. Parce qu'à fait froid, on peut y avoir du lait dedans quand on en met, un petit peu de laitier. C'est ça, mais non, c'est pas ça du tout. D'accord, on est loin. 90 euros ce matin dans la cagnotte du qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Et Samy, 12 ans, est avec nous. Bonjour Samy. Bonjour. Samy, bienvenue à toi. T'es dans ta voiture avec maman, c'est ça? Oui. Et ta maman, c'est Camille, qu'on a essayé d'avoir tout à l'heure. Non, maman, c'est Malika. Ah bon, d'accord, j'arrête avec les prénoms ce matin. Tu habites dans quel coin, Samy? À Mont-sur-Marcel. Alors, tu penses qu'il y a quoi pour 90 euros ce matin dans la boîte de Khalid? Un couvercle en aluminium de l'Actimel. Alors, De l'Actimel. C'est ça. Alors, il faut que tu sois très précis dans ta réponse. Est-ce que tu dis juste un Actimel? Est-ce que c'est ça ta réponse? Il a dit couvercle en aluminium. Couvercle en aluminium de l'Actimel, c'est ça qu'il a dit. D'accord, donc tu dis couvercle en aluminium d'Actimel. Est-ce que c'était ta proposition définitive, Samy? Oui. Sœur Khalid du jambon pour 90 euros. Alors, couvercle en aluminium, c'est bon, mais moi j'ai demandé le nom complet. Ouais. On avait dit un truc au lactose, donc à base de lait. Malheureusement, ce n'est pas de l'Actimel. Mais Vanny s'énerve. Mais oui, parce que je me disais que 12 ans, prendre 90 euros comme ça, puisque ouais, c'est lui qui a joué, ça l'aurait fait plaisir. Mais je suis sûr que c'est une poisson du Maroc qu'on achète sur les aires d'autoroute aussi, que personne connaît. Non, mais au Maroc, on a tout fait. Non, mais c'est normal, au Maroc, tu peux tout acheter. C'est ça, même les gens. Bon, Samy, ne raccroche pas. Je vais te repasser Khalid en antenne. Je te fais un gros bisou. Et si vous pensez à ce qu'il y a dans la boîte, on tourne autour du pot, j'ai envie de dire. Rendez-vous lundi à 7h55 pour 100 euros dans la cagnotte. Il est 8h01. Fun. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. À suivre sur Fun Radio, ce sera le son de Mike Posner. Mais d'abord 8h01, c'est l'heure pour nous de s'informer avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. De nouveaux mouvements de grève sont à craindre sur le rail dans les prochains jours. On devrait en savoir plus dans le courant de la journée. Mais une nouvelle grève de la SNCB pourrait débuter à partir de ce dimanche 12 juin à 22h jusqu'au dimanche suivant à la même heure. Et puis dans les prisons, la grève continue, même si dans certaines prisons comme à Nivelles, certains gardiens ont repris le travail. Mouvement de grogne également chez les éboueurs. Le ramassage des poubelles est très perturbé dans

his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad soul. Darling, all I know are sad souls, sad souls. Sur Fun Radio, ça y est, c'est aujourd'hui que démarre l'Euro, c'est officiel, c'est vendredi, nous sommes le 10 juin. Bonjour et bienvenue. Émaner la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h. Toute l'équipe de la tribu est là et vous dit bonjour. Bonjour. On est content d'être avec vous ce matin, 8h10, vendredi 10 juin. Ah, c'est marrant, il y a eu 2-10 dans cette phrase, 8h10 et vendredi 10 juin. C'est un signe. Ouais, c'est un signe. C'est faut que je joue au loto ce week-end, ça c'est sûr et certain. Et tu vas jouer les 10. Je vais jouer ça, deux fois. De toute façon, on va faire un euro million avant la fin de l'émission. Je vous le dis tout de suite, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Alors, comme on a un problème de SMS ce matin, on ne pourra pas forcément vous sélectionner par les SMS, mais Dieu merci, le standard fonctionne encore. Donc si vous avez envie de jouer avec nous à Euromillion, c'est moi qui paye votre grille. On fait la grille ensemble et si jamais on gagne quelque chose, je partage entre l'équipe et un ou une auditrice. Pour vous inscrire, vous le faites directement au standard et c'est Billy Boy qui décroche. Vous appelez au 02 851 4x0. Pour la suite du son, il y aura Zach Noël sur Fun. Mais les trumpets blow. Ça va aller Billy Boy? Il est complètement largué le pauvre. Il y aura Face et Afrojack sur Fun Radio avant 8h30. Il faut savoir que Billy Boy, notre standardiste, il remplace Yolande. C'est le seul mec qui, en radio, quand tu lui dis ça va aller, Billy Boy, fait un signe de la tête en faisant oui. C'est comme les chiens à l'arrière des voitures, là, oui, la tête qui sans bouge sortir, tout le temps. Sans sortir un son. Alors, c'est aujourd'hui l'ouverture hein, de l'Euro, l'équipe de France qui va ce soir jouer. Mais quelque part, nous, on s'en fout un peu parce que ce qui compte, ce sont les diables. Et c'est le Go Belgium. Nous avons d'ailleurs maquillé avec l'aide de Michel et de Jean-François ce matin le studio aux couleurs des diables, aux couleurs de la Belgique. On a des perruques, on a des bracelets, ils sont top d'ailleurs, je pense que même je vais garder, je les trouve super fashion. Qu'est-ce qu'on a également? On a des colliers, on a des Diabolica, voilà. Est-ce qu'on peut faire marcher la Diabolica s'il vous plaît? Allez-y, voilà. Nous avons surtout retrouvé, grâce à Michel, un morceau de 98. Écoutez ce qu'on a retrouvé. J'adore. Ce matin pour les Belges. Alors ça c'est sorti en 98 et Michel qui est ce matin avec nous qui nous a amené plein d'objets en rapport évidemment avec l'euro. nous explique qu'à l'époque vous avez vendu combien en 98? Bah, c'était un double disque d'or, puisque à l'époque c'était 15 000 et on a fait environ 30 000 disques. 30 000 ouais. D'où la Mercedes garée sur le parking. Voilà, c'est ça. Hélicoptère. Voilà. Et alors voilà, c'est d'actualité de 98, donc ça fait quasiment plus de 15 ans, donc c'est toujours bon. Je trouve que ça n'a pas vieilli, moi. Mais t'imagines, tu dis allez les Belges, ils touchent les droits d'auteur. Hein. T'imagines? Ah bah tiens, allez, on va te payer une jante, vas-y, remets. Et alors, ce qui est chouette, on l'a mis sur YouTube comme ça pour s'amuser et on est à 280 000 vues. Et l'objectif qu'on a fait, puisque la Belgique va en finale, ce serait d'avoir un demi-million de vues sur YouTube, ce qui serait pas mal parce que là aussi on touche des droits quand on met sur YouTube. On a dit qu'on ferait des pronostics tout à l'heure sur Fun Radio. Et nous allons manger maintenant parce qu'on a faim, on a dépensé ce matin. On s'est dépensé depuis 6 heures. Petit déj gratos sur Fun Radio. On est où ce matin pour le petit déj? On est à Coëm, vous allez rue Ferrer au numéro 24. C'est la boulangerie La Ronde des Pins et c'est Linda qui vous attend pour vous offrir une viennoiserie de votre choix. Si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse du petit déj gratos ce matin, allez sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Vous avez également les photos du studio, vous avez les photos et les vidéos de Justine hier en combinaison de sport. Qui a souffert grâce à X-Body. Et je le sens. Et il paraît que c'est surtout demain que tu vas avoir mal. Ouais, bah alors j'imagine même pas. Bon courage à vous, merci d'être là ce matin, ce vendredi 10 juin, du son dance floor, de la déconne. On vous secoue tous les matins et vous réveillez avec nous tel que vous êtes. On aura la chronique de notre stagiaire Billy Boy avant 9h. Grand moment de radio, c'est à suivre. Voici Zach Noël sur Fun avec Sean Paul. J'adore ce morceau, c'est l'été. You see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the head to the floor, girl, gimme the bend over, girl, and gimme the spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the body look fine, girl, gimme the coming out, waste some time, girl, gimme the body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body may take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Bubbly, serious thing, it and a comedy. And them say you have the comedy. Some me won't get some and come trouble. Bust two buckle of the bubbly. Call in two friend and then double. Girl so hot, she a bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body may take up a permanent residence. Trumpets blow. sur Fun Radio. Face et Afrojack. Dans un instant, la chronique de Billy Boy, notre stagiaire, va arriver. Rapproche-toi du micro de Justine, Billy Boy, s'il te plaît. Bonjour Billy Boy. Bonjour Evan. Alors, Billy Boy est l'homme le plus calme du monde. J'ai jamais vu ça. Hein. Il est d'une zénitude incroyable. Il a là sa chronique tout à l'heure, sa première chronique en radio à 8h45. Et il est en mode cool. Quel sera le sujet de ta chronique à 8h45 tout à l'heure? Ce sera la reproduction de l'insecte, le gendarme. Le mec, il fait flipper quand il parle comme ça. C'est horrible. Et pire, c'est qu'il joue avec ses sourcils, il te regarde comme ça, mais t'es fou. Vincent, j'ai dit que trois mots là. Punchline, t'es trop fort. Ah, j'en pleure. Ceci n'est pas un problème technique. Là. Je répète. Alors, donc, ne ratez pas. 8h45, quel dur. Tous nos stagiaires font des chroniques et ils font la chronique de leur choix. Et donc tout à l'heure, ce sera la reproduction de l'insecte. Le gendarme, il est fier de le dire. Génial. Oh, j'ai hâte d'y être. Allez, il y a 26 minutes à patienter et ça sera à découvrir. Et j'en chiale vraiment. Hein. La chronique de Billy Boy ce matin sur Fun Radio. Pour le son Dance Floor, c'est Face. Faut pas rater ça. Hein. Faut pas Face rater ça. C'est Afrojack qui va arriver. Je regarde ton texte, il fait combien de lignes? 40 lignes, ah oui. Ah oui. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste? En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Chateaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 euros de réduction sur le kilo de Chateaubriand. Deleuze. Bien mangé. Addict, le nouveau titre de Gypsar avec Liam Summers et Mattel. Addict, le nouveau single de Gypsar. Le son de l'été. Maintenant disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne et les services streaming. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. I see the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when it's gone. You do your thing and you live like you want. I know when you're gone. You're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I say, hey, hey. Would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I say, hey, would you come with me? I say, hey. Would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I say, sur Fun Radio dans un instant, on va faire les pronostics de l'Euro pour savoir avant les matchs qui débutent ce soir qui d'entre nous sera le plus près du pronostic de la finale. On aura la chronique de Billy Boy, notre stagiaire qui va faire sa première chronique radio aujourd'hui. Donc là, il est juste à côté de moi, je regarde le thème de la chronique scientifique aujourd'hui, le gendarme, l'insecte et sa reproduction. Ce sera donc dans quelques instants. Et nous jouerons également Euromillions. Si vous voulez faire une grille avec Euromillions ce soir et jouer avec nous et partager les gains si jamais on gagne, ce qui n'est encore jamais arrivé en 2 ans maintenant qu'on fait ce rendez-vous-là, vous vous inscrivez ce matin du côté du standard, directement parce que les SMS ne fonctionnent pas. Vous appelez le 02 851 4x0. Allez, bonne chance à vous, vous jouerez avec nous avant 9h pour la suite du son. D'ici les infos de 8h30, Willy William avec On s'endort sur Fun. C'est vendredi, ça sent le week-end et c'est le démarrage de l'Euro. Bonjour et bienvenue sur Fun Radio, c'est Evan, bonjour. Buongiorno. Trafiquer le compteur kilométrique avec le Carpass est fini à la Comédia. Au garage, au centre des pneus, au contrôle technique, tout le monde le sait. Le kilométrage est encodé à chaque passage dans une grande base de données. Et quand vous voulez revendre votre voiture, il se retrouve sur le Carpass et ça doit correspondre avec votre compteur. Capisce? Carpass, depuis 10 ans, la garantie officielle du kilométrage réel. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express de danois. Une bière, s'il vous plaît. Ich will gerne henol. Santé. School. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. C'est moi, Yip, le diable rouge contre l'Italie, mamma mia! Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM! 10% sur vos prochains achats. 10%! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. The best radio. My station. Fun Radio. There is something on my mind. Something that you should know. Je veux y croire, je veux savoir. Dans le bureau des vannes et la tribu, il y a un frigo dans lequel il y a une canette vide, au cas où quelqu'un ne prendrait rien. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 5h du mat. Les moutons, je les ai comptés. Le silence me met des claques. Je suis en pleine négociation avec Morphée. Je suis foutu, j'ai pas sommeil. 4 heures avant de l'aller taffer. Toutes les nuits sont pareilles. Je suis en tête à tête avec mes pensées. J'ai tout essayé mais rien ne m'endort. Rien ne m'endort. Soit lourde, en vrai, j'aimerais seulement pouvoir me reposer. Ma tête est remplie de doutes, le marchand de sable est plus cher que ce que la vie me coûte. En vérité, l'insomnie s'y est invité. Mes nuits sont courtes et mes journées sont longues. Le soir quand je m'allonge, je suis plongé dans mes songes. Oh, et l'ennui c'est toutes ces pensées qui m'accompagnent quand je vois ce qui se passe dans ce monde. Dis-moi quand est-ce qu'on s'endort. Fun Radio, le son de Riab va arriver dans quelques instants et puis ensuite ce sera la chronique de Billy Boy, notre stagiaire. Chaque stagiaire qui passe chez nous a le droit de faire sa chronique aux alentours de 8h45, ce sera sa grande première tout à l'heure. Merci d'être là vendredi 10 juin, c'est aujourd'hui. Merci de nous avoir choisi. Bienvenue et bon réveil tout le monde sur Fun Radio. On est vendredi, il est 8h31, les infos et la météo, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Un mouvement de grève de nouveau en question aujourd'hui dans le secteur public. Dans les prochains jours, la CGSP liégeoise a défini hier les actions à mener lundi prochain en province de Liège. Lors de cette grève tournante décidée par l'interrégionale wallonne de la CGSP. Après la province de Liège lundi, la grève tournante s'installera successivement en province de Luxembourg le 14 juin, en province de Namur et du Brabant le 15 juin et en province de Hainaut le 20 juin. Tout le secteur public sera touché par ce mouvement. Et puis des mouvements de grève, il en est aussi question du côté de la SNCB avec, on devra en savoir plus aujourd'hui dans le courant de la journée, mais une nouvelle grève pourrait débuter à partir de ce dimanche 12 juin à 22h jusqu'au dimanche suivant à la même heure. Dans les prisons, la grève continue même si dans certaines prisons comme à Nivelles, les gardiens ont décidé de reprendre progressivement le travail. Et puis mouvement de grogne également chez les éboueurs, le ramassage des poubelles est très perturbé dans la région du Hainaut occidental, la région de Mons-Borinage, mais également la région du centre. Fun Radio, à l'heure de l'euro. Et c'est parti pour un mois de foot, un mois de folie pour ceux qui aiment, un mois de cauchemar pour ceux qui détestent. Messieurs, mettez les boissons fraîches au frigo, achetez vos chips et pensez au barbecue. Mesdames, préparez vos tricots, vos livres de mots croisés, mais surtout attendez-vous à ce que les soirées soient longues. L'Euro 2016 débute ce soir par la cérémonie d'ouverture en présence de David Guetta et de Zara Larsson. Le premier des 51 matchs de 7 euros se joue à 21h avec la France, le pays organisateur qui affronte la Roumanie au Stade de France. Et puis chez nous, on se prépare un peu partout à vivre l'Euro intensément. À Montigny-le-Tilleul, non loin de Charleroi, le Soccer Village ouvrira ses portes ce soir avec un concept innovant et l'occasion de vivre l'Euro en famille. Un écran géant haute définition sera installé en extérieur et un autre en intérieur pendant tout l'Euro. On écoute Jean-Marc Van Bever, l'un des organisateurs de cet événement. Le Soccer Village, on a voulu un genre de fan zone comme il va se passer à l'Euro 2016 en France. Donc on va avoir la même chose que dans les villes françaises. On va diffuser tous les matchs entre le 10 juin et le 10 juillet. c'est le seul endroit où tous les matchs de l'Euro vont être diffusés sur deux écrans. Un écran intérieur qui nous garantit d'être à l'abri si éventuellement le climat n'est pas serein avec nous. Et nous aurons également un écran géant extérieur pour les beaux jours. L'inauguration a lieu ce soir avec une soirée caritative pour vous rendre au Soccer Village itinéraire et fléché depuis la sortie à Montigny-le-Tilleul sur le R3. Toutes les infos sur cette manifestation se trouvent sur la page Facebook France 2016. La météo pour terminer, Jean-François. La journée sera marquée par un temps sec d'abord, ensoleillé depuis de plus en plus nuageux. Le thermomètre affichera 18 degrés au littoral et de 20 à 22 degrés ailleurs. Et puis pour les prochains jours, ça s'annonce assez perturbé. 8h33 sur Fun Radio et tout de suite le son dancefloor avec Rehab. Petit déj gratos. Déconne et son dancefloor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Let me live on the line. I got a little freakiness inside, and you know that the man has got to deal with it. I don't care what they say, I'm not about to pin nobody's way, 'cause it's all about the dog in me. Mm-mm. I want a freak in the morning, a freak in the evening, just like babe. I need a perfect brother that can satisfy me, just for me. If you are that kind of man, 'cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret everybody sing, 'cause we don't give a damn about a thing. 'Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we can all through the night to the early morning. Sur Fun Radio, du son Dancefloor et de la déconne. Notre Facebook, c'est Evan et la tribu. Même chose pour le Snapchat. À suivre le son d'Era Istrefi et la chronique Justine de Billy Boy. J'ai tellement hâte. Billy Boy, notre stagiaire qui va faire sa chronique. Il devait la faire il y a deux semaines, mais entre les grèves et le fait qu'il était un petit peu malade, il n'a pas pu la faire. Donc ça, c'est enfin aujourd'hui la grande première de Billy Boy. On va rappeler où est-ce que vous faites payer le petit déj gratos ce matin, Juju. On est à Coëm, vous allez rue Ferrer au numéro 24. C'est la boulangerie La Ronde des Pins. Et Linda vous offre une viennoiserie par personne. Notre studio décoré ce matin aux couleurs de la Belgique, aux couleurs des diables. Et on a envie de dire Go Belgium. Ce matin, il y a Michel, un ami de Jean-François, notre journaliste, qui est venu nous apporter, merci à Michel, plein d'objets évidemment en rapport avec la Belgique, en rapport avec les diables, hein. des bracelets. Moi, le bracelet, je vais le garder toute la journée. Enfin, je vais par exemple aller dans une autre équipe pour avec mon bracelet Belgium pour voir comment ils réagissent. Et la prochaine fois qu'on se voit, je voudrais une autre couleur aussi en beige. Ah, ça c'est cool. Alors, on va faire le petit jeu des pronostics, évidemment, pour savoir à votre avis qui va aller en finale. Je vais pas dire qui sera le grand gagnant de l'Euro, mais quelles seront les deux équipes selon vous qui seront en finale. Alors, on va faire un petit tour. En plus, nous, c'est vrai qu'à part Khalid, on n'y connaît quand même que dalle en foot, Justine et moi. Oh là là. Tiens, on va commencer avec un expert, Jean-François. Eh bien, j'ai envie de dire d'être complètement fou, mais de dire France-Belgique. Ah ouais, c'est le rêve, ça. Ah, ça serait, pour moi, ça serait dur. Ah, ce serait trop le rêve. Tu choisirais qui, du coup? Alors, c'est difficile parce que pour moi... Ma mise sur les meilleurs joueurs. Ouais, moi, je mangerais du camembert pour fêter l'événement. Pourtant, t'as pas besoin d'en manger pour avoir la laine. Hein. C'est un avantage. Michel, tu dirais quoi en finale? Belgique-Italie. Belgique-Italie. Donc, on note tout ça pour savoir, évidemment, le jour de la finale qui aura remporté ce pronostic. Justine. Ben moi, je suis un peu comme Jean-François. Belgique-France, pour moi, ce serait l'idéal. L'idéal. Ouais. Ok, Sandro à l'AREA. Je pense qu'il y aura d'office l'Allemagne. Et après, j'hésite entre l'Espagne ou un l'Italie, autre pays. L'Italie, peut-être. Ben pour moi, ce sera un France-Italie en finale. Voilà, je vois la France. Que des en mauvais joueurs. Ouais, surtout sur le terrain, il va y avoir un nombre de fautes. Avec Zidane? Avec Zidane, évidemment, qui sera de retour. C'est le seul à pouvoir faire gagner l'équipe et de France. Matérat, et bien sûr. Et là, il se réfie dans un instant sur Fun à 8h39. Et je vais derrière. Je comprends pas. Ça va, je fais semblant de ne pas m'intéresser. Et là, il se réfie dans 2 minutes sur Fun Radio, juste après la chronique de notre stagiaire, Billy Boy. Est-ce qu'on dort mieux dans un hôtel de rêve ou est-ce qu'on rêve mieux dans un hôtel de luxe? Flair. Cette semaine avec Flair, hôtel de luxe pour seulement 35 euros par personne. Il faut le Flair. C'est grave, docteur? Non, c'est une petite bentekit, c'est déjà pas une compagnie. Oh, vous me rassurez. Je vais vous prescrire quand même du Lucacox, vous serez vite sur pied. Merci, docteur. Toute la Belgique est folle des Diables Rouges. Vous aussi? Alors complétez vite votre collection de stickers Panini avant le 28 juin. En exclusivité dans les hypermarchés Carrefour, les Carrefour Market et les Carrefour Express. Info en magasin et sur faitonlefoot.be. Le tout nouveau Samsung Galaxy S7. Vous en rêvez? Avec l'avenir, offrez-vous votre smartphone ainsi que toute l'actu belge, internationale et celle de votre région pour seulement 28 euros par mois. Faites-vous plaisir et profitez de cette offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir. L'avenir est au contenu. Taré comme jamais. Tous les matins, 6h-9h. Evan et la tribu sur Fun Radio. Bun bun, evidence is buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. Get the chitty dun dun dun. Bun bun, evidence is buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. Get the chitty dun dun dun. Can't get it, I just begun. kiš. Vom drugu će mam u kore priše priš. Ja mun si, ja ma ane. Se kur v top ni her, ja ma nu kentej. Vous avez choisi Fun Radio pour commencer votre journée de vendredi, vous avez bien raison, merci d'être avec nous. On salue nos auditeurs de Verviers, de Warem, de Wavre, de Louvain-la-Neuve, encore de Jean-Blou, de Dinan, de Charleroi et de Bruxelles, 104.7 pour la fréquence ce matin. Nous allons jouer à Euro Million, ça sera tout à l'heure avant 9h, on fera une grille tous ensemble. Et si jamais on gagne, on partagera. On n'a jamais pour l'instant gagné le moindre euro, on en a plus dépensé qu'on a gagné. Mais vous pourrez tout à l'heure jouer avec nous d'ici la fin de l'émission. Spécial Go Belgium évidemment, le studio ce matin qui est aux couleurs de Fun Radio. Et nous allons découvrir dans un instant Billy Boy. Alors qui est Billy Boy? Billy Boy, c'est notre stagiaire qui est avec nous depuis maintenant un mois. Et comme tous les stagiaires de l'émission, je leur propose en fin de stage de faire une chronique de leur choix sur le thème de leur choix. Et on va d'ailleurs filmer ce matin, Justine, la chronique en direct. On va la mettre sur quel Facebook? Alors je vais essayer, mais ce sera via du coup ma page Facebook à moi, enfin mon compte Justine Tribu, parce que du coup sur notre compte on peut pas le faire. D'accord. Sur notre page. Et ça fonctionne ou c'est en Alors, cours Alors c'est de... en connexion, diffusé en direct. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Donc voilà, vous allez sur parti. Justine Tribu et vous allez pouvoir donc découvrir le corps, la tête, le visage de Billy Boy, à qui je dis bonjour sur une musique d'événementiel. Sandro, on a ça? Non, musique de circonstance. Alors allons-y, musique de circonstance. Ok. Pourquoi t'as mis ça, Sandro? Mais parce qu'il a des origines indiennes. Quelles sont tes origines? Des origines indiennes, c'est ça? Indiennes et algériennes. Très bien. Ce matin, Billy Boy, bonjour à toi. Bonjour, Evan. Tu viens de quel coin de Belgique? Je viens de Liège. Et pour toi, qui sera en finale de l'Euro? L'Allemagne. Contre? La Belgique. Contre la Belgique. Allemagne-Belgique, c'est bien noté au jeu des pronostics. Tu es en direct ce matin sur le compte Justine Tribu sur le Facebook de l'émission. On te met pas du tout la pression, hein. T'as non, remarqué pas du tout. C'est-à-dire qu'il t'est filmé par plein de GSM. Qu'est-ce que tu nous proposes ce matin pour ta chronique? Alors aujourd'hui, je vous propose de parler du gendarme. Pas le policier, mais plutôt l'insecte. Car le gendarme, lui, a déjà disparu de nos contrées. Et ripé, le gendarme. Mais plutôt de ce petit insecte de la famille des punaises, pas plus grand qu'un centimètre. Cet insecte assez étrange avec sa couleur rouge et ses points et triangles noirs qui forment un masque africain sur son dos. Mais le plus étrange, c'est sa façon de se reproduire. Ils se mettent dos à dos et là c'est parti pour 12 heures minimum de copulation. Et ça peut durer jusqu'à 7 jours d'affilée. On dit pas copulage ? C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se mettent dos à dos. Il faut bien se nourrir pendant ce temps-là. Donc on est d'accord que l'insecte, je pense que tout le monde sait ce qu'est un gendarme, il se reproduit dos à dos et ça dure 12 heures, c'est ça? Minimum. Ça me fait rêver, moi, 12 heures. Ça peut durer jusqu'à 7 jours. 7 jours. Ensuite. C'est d'ailleurs pour ça. Ouais, d'accord. J'ai pas répété. Tu t'es perdu un petit peu dans ton texte. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur la reproduction du gendarme? Ouais, qu'ils se mettent dos à dos déjà. C'est assez étrange parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos là-dessus. C'est ça qui est bizarre. Tout le monde sait qu'ils se mettent dos à dos, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser au sketch de Virginie Hoc, la liste de courses. Imaginez-vous dos à dos avec votre partenaire en train de faire l'amour. Hein, pendant 12 heures et 7 jours. Ouais. Donc c'est assez... Faites attention. Et c'est vrai que quand tu vois l'insecte, moi j'ai déjà vu hein, les deux insectes, en fait, il y en a un qui forcément va dans un sens, par exemple, sur un mur. Exactement. Et l'autre partenaire est obligé de suivre derrière. Mais lui, à reculons. Imaginez quand même la scène, c'est juste un truc de ouf de voir ces deux insectes en train de se reproduire. Autre info sur le gendarme. Et encore plus fou, certaines punaises mâles ont un canon à sperme pouvant délivrer à taille humaine jusqu'à 30 litres de sperme par éjaculation. Genre elle gonfle au bout d'un moment. La femelle creuse un petit terrier dans la terre humide ou les feuilles fraîches. Elle y pond entre 50 et 70 œufs. Tout blanc, les larves éclosent en mai et seront adultes au début de l'hiver. De l'hiver. Il se nourrit d'autres insectes, morts ou vivants, ainsi que leurs œufs. Donc bon pour les jardins, ne les tuez pas, on va essayer de ne pas les tuer. De base inoffensif, il ne pique pas, mais selon certains témoins, ses piqûres seraient douloureuses. Et pour terminer, on l'appelle le gendarme à cause de sa robe rouge et noire, qui fait penser aux anciens uniformes des gendarmes.

Le 3, c'est noté. Et en ce qui me concerne, je vais choisir. T'avais dit le 10, hein, là, tout à l'heure. Le. J'avais dit quoi? Le 10. Ah oui, on a dit le 10, qu'on jouerait le 10. Parce que c'est un 10 juin, et tout à l'heure, il était 8h10. Donc, on joue le 4, le 19, le 23, le 11, le 17, le 3 et le 10 pour les étoiles de la chance. Donc, rendez-vous ce soir. Matez bien le tirage Euro Million. Je le dis en direct. Si jamais nous gagnons, peu importe la somme, on partage entre toutes celles, tous ceux qui ont choisi un chiffre. Donc, rendez-vous ce soir pour savoir si on aura gagné peut-être un petit peu de pognon. Oh, ça serait bien, Justine. Même 10 euros. Et puis imagine, Khalid, il est pas là. Il bah, a tant pas pis joué. Pour lui. Khalid est pas là, tant pis pour lui. Voici Bernie Cashmere, sur Fun. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Wanna take a ride? Troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your heart. I'm sure you've had a lot of heartaches, but now you've stumbled on a winning hand of heartache. You've crossed your fingers and wished upon. Addicted to the rush. Stop looking for your queen and sip on Jack instead. I'm here to run the tables. Oh, how dare you call my bluff? See, I'm irresistible, kind of unpredictable. Bet you want some action, baby. Don't you become you? Wanna take a spin? Wanna take a ride? Suivre sur Fun Radio, le son de Deoro. L'Euro vient de démarrer. On a maquillé le studio avec voilà, les couleurs de la Belgique. Go Belgium sur Fun Radio, vendredi 10 juin. Il est 9h. Fun Radio. Fun. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Dans un instant, je vais vous faire jouer avec les hymnes nationaux des pays qui vont participer à l'Euro. Si vous avez envie de gagner du cadeau avec nous, vous pouvez vous inscrire par téléphone. Le standard fonctionne, c'est une bonne nouvelle. Vous appelez le 02 851 4x0. Ça, ce sera juste après les infos. Maintenant, c'est avec Jean-François. Il y a Deoro aussi pour le son des fleurs qui va arriver. Ah oui, hein. Pas manqué parce que c'est vraiment un kiff ce morceau. Les infos, Jeff, on y va. Bonjour à tous. Le problème technique qui a paralysé ce matin l'aéroport de Bruxelles a été repéré. Les systèmes ont été relancés. Bruxelles Airport a été touché par une panne de courant qui a débuté peu avant 6 heures et qui a rendu impossible l'enregistrement des passagers et des bagages ainsi que les contrôles aux frontières. De longues files se sont formées et plusieurs vols ont subi des retards. Les équipes techniques ont détecté l'origine de cette panne et tous les systèmes ont été relancés. Un retour à la normale prendra toutefois du temps. De nouveaux mouvements de grève sont à craindre sur les rails dans les prochains jours. On devrait ainsi en savoir un peu plus dans le courant de la journée, mais une nouvelle grève pourrait débuter à la SNCB à partir de ce dimanche 12 juin à 22h jusqu'au dimanche suivant à la même heure. Dans les prisons, la grève continue même si à la prison de Nivelles, certains gardiens ont décidé de reprendre progressivement le travail. Et puis mouvement de grogne également chez les éboueurs. Le ramassage des poubelles est très perturbé dans le Hainaut occidental, la région de Mons-Borinage et la région du centre. Dans le reste de l'actualité, l'ancien président du conseil italien Silvio Berlusconi sera opéré du cœur la semaine prochaine. Âgé de 79 ans, il va devoir subir le remplacement d'une valve à l'aorte après avoir souffert dimanche d'une attaque cardiaque qui aurait pu le tuer de l'avis même de ses médecins. Le président des États-Unis Barack Obama a quant à lui annoncé hier qu'il soutient avec force Hillary Clinton dans la course à la Maison Blanche. Je suis avec elle, a lancé Barack Obama dans un message vidéo diffusé peu après sa rencontre avec l'autre candidat démocrate, le sénateur Vermont Bernie Sanders, qui a refusé à ce jour de se retirer de la course. Fun Radio, à l'heure de l'euro. Bienvenue en France, tel sera le thème ce soir de la cérémonie d'ouverture de l'euro qui aura pour guest star l'auteur de la chanson officielle David Guetta dans une ambiance festive, loin du contexte tendu qui oscille entre les mouvements sociaux et les inquiétudes sécuritaires. Après son concert sous la Tour Eiffel hier soir, le superstar David Guetta présentera au Stade de France l'hymne de l'euro, This is one for you, et sera accompagné de la chanteuse suédoise, la charmante Sara Larsson, lors d'une cérémonie qui impliquera plus de 600 personnes et qui ne devrait pas durer plus d'un gros quart d'heure. C'est ensuite le match entre la France et la Roumanie qui lancera les hostilités. Et puis un mot enfin sur les chiffres fous de cet Euro 2016. Le budget est quand même de 835 millions d'euros, financé en grande partie par l'UEFA. La France complète le reste du budget. L'État français a injecté 160 millions d'euros pour construire ou rénover les stades. 24 millions d'euros ont été investis pour assurer la sécurité. 77 000 agents surveilleront les abords des stades. 13 000 seront dispatchés à l'intérieur des enceintes et dans les fan zones qui devraient accueillir environ 6,5 millions de spectateurs. Et puis 2,5 millions de supporters sont attendus en France. Enfin, 94 000 personnes travailleront à temps plein sur l'événement. Maintenant dans les stations Q8 avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Q8. À table, mon micro fonctionne pas. À table. 9h03 sur Fun Radio, la météo. Alors, jouerai Jean-François, s'il te plaît, si tu veux bien. Je paierai s'il le faut. Hein. Est-ce que tu veux bien nous dire un mot sur la météo du week-end, puis la météo de ce vendredi? S'il te plaît. D'abord, donc pour le week-end, les nuages vont envahir le ciel avec un risque de pluie qui n'est pas à exclure. Le dimanche à la fin de la semaine prochaine, le temps va être variable à très nuageux avec des averses et des risques d'orage pratiquement tous les jours. Parfait, je regarde si je peux faire un. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, la journée sera marquée par un temps sec, d'abord ensoleillé avec de plus en plus de nuages par après. Tu vois quand tu veux, c'était bien et t'étais beau. 20 à 22 degrés de température, tu t'en fous? Parfait. Des euros pour le son S-Floor. C'est parti. Pour toi, Jean-François, et pour toute la Belgique. Allez les Belges, allez, allez les Belges, allez les Belges, allez les Belges. Allez, Jésus, vas-y. Allez, allez les Belges, come on the Belgians, come on, come on the Belgians, come on. C'était ça le nouveau des euros? Oui. Ah non, c'est ce qui arrive maintenant. Okay. Fun. Fun Radio. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son des Dance Floor. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous, comme vous êtes. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito. Go down. 9 sur Fun Radio. On va se dire au revoir dans quelques instants. D'abord, nous allons vous. Oh, bon, dis donc, elle fait bien cette phrase. D'abord, nous allons vous rappeler où est-ce que vous faites payer le petit déj gratos ce matin. Je vous rappelle quand même que tous les jours, c'est affiché. Oh, bah, dis donc, c'est affiché sur le Facebook de l'émission. Evan, elle a prévu. Vistine. Aujourd'hui, c'est à Coëm. Vous allez rue Ferrer au numéro 24. C'est la Ronde des Pins qui vous accueille et qui vous offre une viennoiserie par personne. Bonjour, Lloyd. Bonjour, Evan. Bienvenue à toi. Tu es là jusqu'à 13h avec toutes les heures, plus de 40 minutes de son non-stop. Bon, pourquoi tout irait pas bien? Bah, je sais pas. Parce qu'on a une maintenance informatique qui va pas très bien ce matin. Bah, je serai là. Moi, je serai là jusqu'à 13h. Ah, lui, il est là. Et si jamais ça ne marche pas un moment et que l'ordinateur, par exemple, ne veut pas fonctionner, eh bien, tu chanteras. Oui. Enfin, ah oui. À la place des titres. Je me vocalise depuis 9h, 13h, Lloyd en total à cap. Il y aura que lui qui chante. On va accueillir Juliano qui est avec nous. Bonjour, Juliano. Juliano, bonjour. Bonjour. Allô ? Juliano, bienvenue à toi. Juliano, tu vas jouer avec nous ce matin avec les hymnes des pays qui vont s'affronter pour l'Euro 2016. Alors, en fait, Sandro va balancer des sons et il va falloir qu'on devine tous autour de la table là à quel hymne ça appartient. Toi, dès que tu penses que tu as la réponse, tu dis Juliano, hop, et je te donne la parole. Ok ? Ça va, pas de soucis. Allez, c'est parti. Sandro, si tu t'en vas, je vais peiner. Hein. Le réalisateur qui se barre, tu sais. Non, j'ai éteint l'écran d'en face, comme ça ils savent pas tricher. Ah oui, il faut savoir que Jean-François peut voir ce que Sandro diffuse. Alors tout le monde, voilà, vous jouez le jeu, on vous balance des hymnes de pays. Si vous pensez savoir à qui il appartient cet hymne, vous nous le dites. Attention, top à vous, premier extrait. Lloyd. Lloyd. Roumanie. Non. Justine. Pologne. Non. Allez, une dernière proposition. Bref, Hongrie. Hongrie. Non plus. C'était quoi? Azerbaïdjan. Oh bah ouais. Bon, Juliano, attention, voici le deuxième extrait. Une chorale. Non. Justine, Vatican. Non plus. Allemagne. Non plus. Je sais même pas si le Vatican, ils sont à l'euro. Ils ont un nom. Oui, mais justement, ça doit être des pays qui participent à l'Euro 2016. Ah, Azerbaïdjan, oui, peut-être. Non, tu nous as bien crié. Juliano, une idée. Vas-y, dis. Autriche. Non, pas du tout, ça commence par un F. Un F. Evan. Ouais. Finlande. Bien joué. Ouais. C'est vrai que j'aurais dit la France, j'aurais eu l'air d'un con là. Troisième extrait. Je sais pas, mais c'est beau. Jeff, la Russie. Bien de réponse. Allez, joli, Jean-François. Juliano, tiens, c'est toi qui vas que jouer avec cet extrait-là. On y va. Ah, oh, c'est Guilleron, c'est chouette. C'est Johnny Trompette. C'est beau, en tout cas. Moi, j'aime bien. C'est très beau. Tu vois, je me verrais bien arriver en réunion, comme ça. Ça fait classe. Ouais, c'est t'ouvres la porte, conseil d'administration, et hop. Ça fait un peu japonais. On n'est pas loin. Humble. Ah, on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est vrai. Ouais. Julien, une idée. Il joue à l'euro. Non. Bon. C'était quoi? C'est la Chine. La Chine, il joue à l'euro. Maintenant, il joue pas à l'euro. Mais non, depuis tout à l'heure, il y a personne qui joue à l'euro dans ce qu'on a dit. Si, l'Azerbaïdjan est à l'euro. Hein. Bon. Mais pas la Chine en fait. Et la Russie aussi. Billy Boy, notre stagiaire. Je voudrais juste te rappeler ce que je t'avais commandé ce matin. Ne parlez pas tous en même temps. Juste, je voudrais juste rappeler Billy Boy que je t'avais commandé des hymnes des pays qui jouent à l'euro de football. Tu nous en as mis plein qui ne participent pas. Billy Boy, je t'adore, on l'applaudit très fort. Bravo. C'était notre grand gagnant de ce matin au niveau de la production. C'est juste la Russie quand même. Oui, voilà, mais bon. Allez, il m'en reste un si tu veux. Allez, un dernier pour la route. Et qui est dans l'euro, hein. Ah, il est dans l'euro. Celui-là. L'œil, la Colombie. Non, c'est l'Allemagne. Bien joué. Mais c'est une victoire de Jean-François. Ouais, alors, du coup, hein. Juliano, merci d'avoir joué avec nous ce matin. Merci, Evan. Passe un bon week-end. Je t'embrasse très fort. Bisous, Juliano. Passe un bon week-end. Bon courage. On suivra tous, évidemment, le premier match de l'équipe de France. Ce sera ce soir. Go Belgium avec toute l'équipe qui est derrière. 9h13. On vous dit bon week-end. On vous dit à lundi, 6h. On sera là avec vous toutes, vous tous. Et comme d'hab, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Le Facebook, Evan et la Tribu. Le Snapchat, Evan et la Tribu. Et surtout, profitez de la vie. C'est hyper important. Lloyd, jusqu'à 13h avec du son dance floor. Il en a beaucoup pour vous ce matin. Grand bisous et bon week-end, Evan. On est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio. Dans un instant, Christina Milian sur Fun Radio, Benny Benassi et Chris Brown. Voici Alesso et Nico Evin sur Fun. Bienvenue. Same for you. Silly yes or is it no? I wanna

this one's for you. Run, run, run, bum, bum, bum. Nouveauté Fun Radio. Naskid et Ami. Fun, fun, fun. Run, run, fun. Fun Radio. Mama, mama, when you love me, and your hands are all over my body, body, baby. Nothing better than feeling the pressure, oh, oh, of the blood run through my veins. You got me burning up when I feel your fire. Euphoria, kind of like a midnight fever. I'm in love without you. Run, run, run, run, run. Got me burning up when I feel your fire. Euphoria, kind of like a midnight fever. I'm in love without you. Run, run, run, bum, bum, bum. Je suis dans